Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 41. Je procède au rappel de notre émission, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite également à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, eelb.su, je répète, eelb.su. ainsi qu'à rejoindre le réseau social Gab, qui offre l'avantage non négligeable de ne pas censurer les contenus, contrairement à Twitter ou Facebook, pour ne citer que. Avant de remercier nos donateurs, comme chaque semaine, je voulais présenter les membres de l'émission d'aujourd'hui. Je vais commencer avec Fulbert, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, comme chaque semaine. Comment vas-tu, Charles Fulbert ? Bah, Fulbert va bien, comme chaque semaine. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est avec nous aussi cette semaine Diabolix, j'espère qu'il va bien également. Bisous, Allah il est grand. Ça y est, converti à l'islam, ça me fait très plaisir, Diabolix, de savoir que tu as rejoint la Oumma. Est avec nous aussi cette semaine Porovic. Comment vas-tu, cher Porovic? Shalom, shalom à tous, je vais très bien. Eh ben écoute, c'est très bien. Est aussi avec nous cette semaine Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et enfin, est avec nous également Derek, cardinal de son état, église qui, cette semaine malheureusement, a perdu quelques fidèles, mais ce sont peut-être des martyrs de la foi qui permettront à ton église de grandir. Hein. Je veux dire, il faut peut-être le voir comme ça. Oui, oui, à chaque événement comme ça, la foi se propage, il ne faut pas en douter. Tout à fait, tout à fait. Nous rejoignons normalement dans l'émission, Pierrot, on verra ce qu'il en est. Alors, je voudrais, avant de commencer l'émission, citer les donateurs que nous remercions bien sûr pour leur fidélité, dont numéro 1, ça ce sont nos donateurs réguliers. Bonjour à toutes l'équipe et à tous les démocrates. Je viens de vous envoyer mon don de 35 € au titre du mois de novembre. J'en profite pour vous remercier pour votre énorme travail et votre régularité quant à votre émission hebdomadaire. Bien amicalement, et c'est Jean. Merci à toi, Jean. Tout le monde le connaît, hein, je pense. Merci à Jean pour sa fidélité. Un autre donateur régulier, c'est Mélas Autocrator. Après une année complète de dons mensuels, je débute avec ce don, ma seconde année de donation. Bonne continuation à vous et merci pour votre travail. Merci à toi, Mélas. Don numéro 3, il n'y a pas de montant pour le coup, c'est dommage. Bonjour à toute l'équipe, un grand merci pour votre travail qui, à chaque semaine, nous met du baume au cœur. Une pensée pour notre camarade Rissed, c'est vrai. Gloire à la race blanche, dit Kyle. Donc ça, c'est un autre donateur qui se plaît. Le boss, me semble-t-il. Merci à lui. Et c'est vrai qu'il faut penser à Hervé Rissen, écrivain emprisonné depuis plus d'un mois maintenant, pour avoir dit des choses interdites en France, hein, pays de la liberté d'expression, théorique, hein, puisque c'est ce qu'on nous dit ces derniers temps, mais ce n'est pas vraiment vrai. Puis bien sûr, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne se manifestent pas par email, mais qui sont présents pour que ça continue. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors, je vous lis ce courrier tout de suite. Chers démocrates, l'actualité s'y prétend. mettant une fois de plus en avant le rôle délétère de l'éducation nationale dans la vaste entreprise de destruction à petit feu de la race blanche, je me suis enfin décidé à prendre la plume pour exaucer les vœux d'intervenants du forum, donc ça c'est EELB, et apparemment d'un modérateur qui souhaitait que je vous fasse part plus en détail de mon expérience qui pourrait être utile aux plus jeunes auditeurs. En effet, il y a quelque temps, j'y avais évoqué succinctement mon expérience de collège et la stratégie de survie et d'autodéfense que nous, petits blancs, avions mis spontanément en place contre la terreur que la racaille voulait y imposer. Je dois dire avec un succès fort instructif sur les lois de la nature humaine, ce qui me rendit fort perméable aux brillantes vues de notre fureur bien-aimée. Le but ici est de donner une stratégie, d'inspirer vos petits frères et petites sœurs, cousins, neveux, et aussi les collégiens qui nous écouteraient en ce moment. Je sais que les émissions de démocratie participative sont maintenant écoutées sur les téléphones lors des récréations dans nombre de lycées français. Et oui, qui l'eût cru ? Cela change sans doute des cours d'éducation au vivre ensemble de la cohorte de profs gauchistes ONI qui perdent la tête en ce moment, dans tous les sens du terme, si je puis dire. Ils méritent largement de passer maintenant à la caisse après tant d'années de déréliction. Je voudrais tout d'abord mettre en garde quant à cette méthode que je propose, car elle n'est évidemment pas applicable à partir du moment où la proportion de racailles devient critique, surnuméraire. Donc certainement pas pour les ZEP des shitholes de France. Hein. Si vous êtes là-dedans, je dirais comme Gandalf le Gris, fuyez, pauvre fou. Je ne vais pas m'étendre sur les détails temporels et spatiaux de mon expérience personnelle pour ne pas éveiller les oreilles des inquisiteurs. De toute façon, ce qui compte est ce que ce récit peut toujours s'appliquer dans la France actuelle, surtout sur son territoire dit périphérique. Pour planter le décor, l'histoire se passe dans un collège dit de campagne, dans une région encore peu touchée par l'immigration dévorante, mais dans cette France dite périphérique, assez proche d'une grande ville envahie pour avoir à y subir quelques éclaboussures de merde immigrée. Avant de rentrer dans ce collège, j'étais dans une école primaire qui était un havre de paix et de concorde 100% arienne, hormis deux vilaines métisses, deux négresses antillaises adoptées par une boumeuse gauchiste. D'ailleurs, personne ne pouvait les sentir. Nous estimions qu'elles sentaient mauvais, qu'elles étaient idiotes et qu'elles avaient la figure sale. Que les enfants peuvent être cruels parfois, je dirais plutôt instinctifs. Donc, comme tous mes petits camarades blancs, j'avais en sixième dans ce collège plein d'espoir, de vivifiants enseignements, remplis de confiance et de naïveté envers la nature humaine et avec fort peu d'a priori racistes. Ce fut un choc culturel et une expérience au début traumatisante. Bien que minoritaire, un gang de racailles y semait la terreur du matin au soir, dans les bus scolaires, dans la cour du collège, nous pillant la nourriture à la cantine, tabassant de façon arbitraire, raquettant et trafiquant cigarettes et drogues au vu et au su de l'administration du collège, sans aucune réaction. Les sixièmes et cinquièmes étaient évidemment leurs cibles favorites. C'était donc un enfer pour la plupart et c'était la boule au ventre que les victimes se traînaient chaque matin à cette fabrique de républicains, comme on dit maintenant. Qui étaient ces racailles ? Bizarrement, tout ce que le collège pouvait compter d'étrangers, maghrébins, manouches au nom bizarre d'Europe de l'Est ou d'Espagne, accompagnés des pires bas-fonds de QI du lumpen prolétariat de nos petites villes de campagne qui leur servaient de cohorte de janissaires, les aidant dans leurs basses œuvres. Pas un seul des étrangers du collège, hormis un, n'était normal, paisible et correct. C'était un constat qui fut pour moi très formateur. Le chef du gang, le trafiquant en chef, était un sale maghrébin qui avait déjà redoublé 4 fois. Il venait armé d'une hachette, de couteaux avec lesquels il faisait régner sa loi. Ses partenaires étaient du même tonneau. Cette cohorte d'orques avait même des supplétives femelles qui semaient également la terreur chez les filles. Mais alors vous me direz, mais que faisaient les parents, le personnel éducatif ? Eh bien, quasiment rien. Des parents au début avaient bien essayé de protester lors des réunions de parents d'élèves. « Il faut faire quelque chose, les enfants sont terrorisés » dirent-ils au directeur. Le directeur, socialo au collier de barbe en équerre maçonnique, trouva la solution magique rassurant les parents. « Nous allons aménager des heures de repas séparées pour protéger les plus petits. » Comme vous vous en doutez, cela ne régla pas grand-chose. d'autant plus que le personnel éducatif était finalement largement complice de la situation, faisant copain-copain avec la racaille, soit par admiration morbide, soit pour acheter leur paix personnelle. Les sales pions étaient les pires, la plupart étaient une petite bande de branleurs d'étudiants de type UNEF-ID, copinant avec la racaillerie vibrante, s'échangeant cigarettes et coups d'œil complices. Pendant ce temps, nous, les petits morveux blancs, qui voulions étudier tranquillement, étions pour eux de sales petits emmerdeurs qui se plaignaient tout le temps de leurs petits protégés. Quant à la CPE, une boumeuse, gauchiste, c'était du même tonneau, elle n'avait aucun effet sur ce gang. Les profs, seuls, les quelques rares non-gauchistes se permettaient d'essayer de les dresser. Mais ils se retrouvaient vite avec des pneus de voiture crevés, sans aucun soutien de leur hiérarchie, quand cette dernière ne leur demandait pas de mettre en vieuse leur dixit trop grande sévérité. Les profs les plus gauchistes ne savaient que faire pour apaiser cette racaille par des sorties éducatives fort coûteuses dont nous, petits blancs de campagne, ne bénéficions jamais. Bref, que ce soit les cassages de gueule, les humiliations, les dégradations de matériel, le racket, absolument rien n'était réglé. Nous étions pris en étau entre ces orques et une éducation nationale de gauchistes prométhèques, celle héritée des années Mitterrand, sans aucune aide des parents absents, démissionnaires ou sans autorité, des familles incapables de comprendre la situation ou ne voulant pas voir à cause du matriarcat et du gauchisme imprégnant la société française. Bref, nous étions seuls, remis à nous-mêmes. Mais, au bout de quelques mois de cet enfer, voici que tel que Gandalf, surgissant du haut de la montagne en apportant la lumière, un de nos camarades de classe, un scout de la branche traditionnelle, nous proposa de former un clan, une milice d'autodéfense en quelque sorte. Le principe était le suivant. Quiconque toucherait un cheveu d'un des nôtres se trouverait avec un contrat sur la tête, à savoir qu'il se ferait entraîner seul par l'un des nôtres dans un guet-apens un jour pour s'y faire démonter la gueule par une nuée de petits blancs-becs, lui infligeant une honte telle qu'en fait, il ne se hasarderait pas à s'en vanter auprès de sa bande. La honte, en effet, que de se faire démonter par des mioches. L'organisation de notre clan était basée sur le modèle scout, avec système de cooptation, cérémonie d'intronisation, insigne, caché dans la poche, et prestation de serment de fidélité. Notre épreuve initiatique, obligatoire pour intégrer le clan, consistait à attirer dans un guet-apens une des racailles dont la tête avait été mise à prix, en l'engageant dans une baston. L'orque en confiance tombait évidemment toujours dans le traquenard. Lorsque le duel commençait à sentir le roussi, ce qui arrivait souvent vu la différence d'âge, c'est alors que notre bande déferlait sur l'orque pour le laisser gisant, quelque peu abîmé, et se retirait aussi vite. Je dois dire que notre méthode ne tarda pas à montrer son efficacité. Très vite, une terreur sourde s'installa chez les orques. Et cela finit par se savoir en haut lieu dans l'administration du collège qui prit mal que nous cherchions à nous faire justice nous-mêmes. Il est vrai que notre visibilité devenait intenable, car notre nombre croissait à vue d'œil, et nous prenions nos repas toujours ensemble à la cantine ou en grande tablée après le cri de guerre usuel. De même, dans les bus ou la cour de récréation, toujours en groupe. Nous n'avions pas conscience alors que nous avions reconstitué une forme de SA bruyante, sûre d'elle-même et dominatrice. Dans l'inconscient des gauchistes, pions, profs, directeurs, cela était insupportable. Alors cette clique bolchevique donna des ordres pour nous obliger à dissoudre notre clan, à manger séparément. Ces ordures s'étaient dévoilées. Tu dois laisser Mouloud faire ce qu'il veut, sale petit blanc. Nous venions de déranger l'ordre métèque. Mais ils ne purent rien faire, notre organisation restant suffisamment secrète et efficace. Très vite, le succès fut tel qu'une section de filles se créa sur le même modèle, avec une jeune valkyrie arienne à sa tête. Il ne s'agissait pas pour nous, les gars, de jouer au chevalier blanc avec elles. Les filles devaient régler leurs problèmes entre elles, à notre manière. Nous les faisions juste bénéficier de notre réseau et de notre présence intimidante face aux sales femelles orques, hétéroclites mélanges de métèques et d'apprentis lesbiennes camées à piercing. Nous avions même réussi à nous mettre dans la poche des grands de troisième, costauds, qui en avaient aussi ras-le-bol de ces branleurs de métèques, et à l'occasion nous prêtant main forte. Nous avions donc constitué, sans le savoir, une fraternité blanche, et je peux vous dire que toutes les années suivantes, nous n'avons plus été ennuyés, aussi bizarre que cela puisse paraître. L'orque en chef, une tête de futur criminel maghrébin qui nous attaquait au début à la hachette, oui, vraiment, finit par vouloir sympathiser avec nous. Le Führer avait raison. La nature ne reconnaît que la loi du plus fort. Il est bien évident que tous ces enseignements formateurs m'ont permis très tôt de comprendre les enseignements de vie, qui sont présents dans Mein Kampf, que je me suis mis à lire en troisième, en cachette, du beau-père gauchiste. Au-delà de cette fonction d'autodéfense, notre clan a fini par créer une réelle camaraderie qui se prolongeait hors des murs du collège, probablement sous l'impulsion de notre chef de clan, un scout qui impulsait un esprit particulier. Nous nous retrouvions épisodiquement pour faire des randos et nuitées sous tente dans la campagne environnante. Pour résumer, voici les quelques conseils que je donnerai aux jeunes blancs de nos collèges pas encore trop envahis. Premièrement, unissez-vous en clan. Deuxièmement, intégrez, si vous le pouvez, le scoutisme traditionnel ou tout autre mouvement de jeunesse analogue. Fuyez évidemment les organisations genre Scouts de France, encadrées par des gauchistes prométhèques et infiltrés de métèques. Troisièmement, apprenez très tôt, avant la sixième, les rudiments de boxe française, anglaise ou thaï, de jujitsu. Demandez à un grand frère, cousin, oncle ou père de vous instruire. Cela m'a été bien utile lorsque j'ai dû honorer mon premier contrat, ma première vraie bagarre. J'ai été effaré de la facilité que j'avais eue à démolir la racaille en combat singulier, un pouvoir que je ne me connaissais pas grâce à quelques bases qu'un oncle m'avait données. Comme DP ne cesse de vous le dire, les lois de la nature sont implacables et nous, les Blancs, sommes potentiellement bien munis pour nous imposer. Mais pour cela, il faut une volonté et prendre son courage à deux mains. Ayez confiance dans notre destin. Et c'est signé Istar Radagast. Alors là, c'est une leçon de choses. À l'adresse des jeunes blancs dans les établissements scolaires de collège, là en l'occurrence, ou lycée, qui effectivement peuvent être victimes, plus souvent qu'à leur tour, de harcèlement, de raquettes, etc. Et oui, l'union fait la force. Qui l'eût cru, hein, l'union fait la force, qui l'eût cru. C'est très éloigné de tout ce qu'on leur apprend, mais je trouve ce courrier très très utile. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait le commenter sur telle ou telle partie? Telle ou telle partie. Ouais, mais je vais commencer si tu permets. Ce courrier, pour moi, c'est un mode d'emploi de ce qu'il faut faire lorsque la merde commence à arriver dans un endroit encore préservé. Effectivement, il a bien développé au départ. En disant que ça n'est pas possible de faire ça quand tu as une trop grosse partie des effectifs d'un collège, d'une classe, peu importe, hein, du biotope dans lequel tu te trouves. Quand le truc est trop pollué, en nombre, tu peux pas. C'est-à-dire que les autres sont plus sauvages et auront toujours la force de l'État avec eux. Mais dans ce cas-là... Où tu as quand même une majorité de blancs, là, la forme qui a été faite pour stopper le pourrissement, c'est vraiment excellent. Hein. Oui. Là, par rapport au résultat, c'est-à-dire de ne pas laisser. Si tu les laisses, voilà, les bougnoules, c'est ça. Quand tu les laisses faire quelque chose, ils prennent ça comme de la faiblesse, ce qui d'ailleurs est le cas, hein, pour le coup. Et ils continuent, du coup, ils en font plus, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Ces gens-là ne respectent que ça. Ils respectent que le fait d'être violemment remis à leur place. On en reparlera un petit peu après avec oui. Macron dans le monde musulman, mais c'est un petit peu ça. Quoi. C'est un petit peu la même chose. Et le système d'organisation clanique, alors il a parlé du scoutisme. Effectivement traditionnel, pas les scouts de France. J'avais récupéré un calendrier des scouts de France dans une église classique. C'était des nègres partout. Hein. C'était absolument ignoble. Donc aller dans les trucs plus oui, les scouts d'Europe, par exemple. Hein. Il y a peut-être d'autres organisations que je ne connais pas. Vous Et pourrez. A... Ouais. Je sais pas si. Ouais. Non, je crois qu'il existe une. Il y avait une organisation scout qui est assez petite, mais qui était une organisation pour le coup identitaire, mais je me souviens plus du nom. Je sais pas si elle existe encore. Bon, peut-être que là on peut poser la question aux auditeurs s'ils ont peut-être des... Du scoutisme. Ouais, voilà. Et quelle organisation, quoi. Oui, sur le côté grégaire, sur la nécessité de s'organiser. Alors, ce qui est certain, c'est que les halogènes sont organisés, et ça, la question de l'islam, enfin, du point de vue religieux dont on parle beaucoup en ce moment, À mon époque, quand j'étais au collège, je ne vais pas dire exactement il y a combien de temps, mais bon, c'était il y a quand même pas mal d'années, et il y avait pas mal d'immigrés, nés en France, hein, pour beaucoup, mais immigrés quand même, et ils se revendiquaient eux-mêmes. Ils disaient, tiens, vous n'avez pas le droit d'aller dans tel endroit de la cour, c'est réservé à nous, les Turcs, d'autres, non, vous n'avez pas le droit d'aller ici parce que c'est nous, je sais pas quoi, les Algériens, ou que sais-je encore. Et pourtant, ils ne prononçaient pas, ils ne se référaient pas à l'époque à l'islam, au Coran, mais ça pour dire, ils avaient bien conscience qu'ils étaient différents de nous, et ils avaient conscience de leur communauté, alors que bah, la question religieuse n'était pas à ce moment-là très très présente. Oui. Moi, il y a un point qui m'a frappé dans le commentaire, enfin dans le témoignage de notre auditeur, c'est la réaction de la structure administrative, qui est très révélatrice. Donc, en fait, il y a beaucoup de non-dits. Tout ça est très implicite parce que c'est jamais exprimé comme ça par l'administration. Mais en fait, le non-dit est le suivant, c'est qu'au fond, l'administration qui est blanche dans la plupart des cas, pas tout le temps, hein. Il peut y avoir des profs d'origine arabe, etc. Bon. Mais bon, grosso modo, l'administration est blanche. Et en fait, ils considèrent que si des Maghrébins foutent la merde, ou que des Noirs foutent la merde, au fond, c'est normal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces populations-là. Et donc, il y a dans leur esprit une idée assez claire qu'on ne peut pas exiger des Blancs et des halogènes les mêmes choses. Donc, en fait, ils ont un niveau d'exigence beaucoup plus élevé vis-à-vis du public blanc, notamment en termes de tenue, de respect du règlement, etc., que vis-à-vis de ces populations-là. Alors ça, c'est leur point de vue d'administrateur. C'est leur point de vue d'administrateur. C'est-à-dire qu'ils se disent, au fond, on ne pourra jamais obtenir la même chose des halogènes que, comment dirais-je, des Blancs. Et puis, deuxièmement, il y a quand même la dimension de pouvoir, c'est-à-dire quelle est leur fonction, c'est de faire respecter le règlement, justement. Donc là, ils se retrouvent dans une situation un peu étrange, où d'un côté, ils démissionnent totalement, donc ils deviennent inutiles avec les immigrés, et de l'autre, ils surcompensent en étant encore peut-être plus implacables avec les petits blancs auxquels ils ne vont rien laisser passer. Hein, par phénomène de compensation, un truc assez classique en psychologie. Et donc, ils ont essayé de désarmer les blancs. Parce qu'effectivement, si les blancs leur échappent aussi, leur périmètre de pouvoir se réduit à rien. Et en fait, ce qui se passe au niveau d'une école ou d'un collège, comme c'était le cas ici, est vrai également en France. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent dans nos milieux pourquoi la justice est-elle laxiste, pourquoi finalement des criminels maghrébins endurcis avec des casiers extrêmement fournis peuvent comme ça avoir de simples rappels à l'ordre ou ne pas purger leur peine. Ça, ben, c'est exactement la même chose. Et à côté de ça, eh bien, l'honnête citoyen blanc qui fait un petit excès de vitesse. On ne va pas lui laisser passer. Et à côté de ça, Mokhtar, braqueur récidiviste, eh ben, on va peut-être le laisser passer s'il a eu une altercation avec un inconnu qui s'appelle Dupont, quoi. C'est la même chose, c'est la même logique. Hein. Il y a une logique de pouvoir. Donc ces gens-là ne veulent pas devenir inutiles. D'accord? Ils veulent conserver le bétail blanc, qui est aussi celui qui travaille, hein, et qui fournit les impôts. Et puis finalement, ils ferment un peu les yeux sur des populations dont le cas est, de leur point de vue même, totalement désespéré. Donc l'égalité qu'ils professent est totalement mensongère, ils n'y croient pas eux-mêmes. On le voit par leur attitude vis-à-vis de ces populations. Sinon, ils seraient aussi exigeants vis-à-vis d'eux que vis-à-vis des Blancs, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il ne faut pas céder à ce chantage. Et ça, c'est le grand enseignement que nous donne ce témoignage-là. Parce qu'à un moment donné, on se demande, est-ce qu'ils vont céder? Est-ce que les gamins vont céder? Ou est-ce qu'ils vont pas céder? Et ils cèdent pas. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que vous allez recevoir des coups de pression, mais il faut surtout pas céder parce que c'est votre existence qui est en cause. D'accord? Ces fonctionnaires, quels qu'ils soient, quelle que soit l'institution à laquelle ils appartiennent, au corps de l'État auquel ils appartiennent, peu importe, ces gens-là veulent paraître servir à quelque chose. Donc de toute façon, ils font toujours pression sur des Blancs qui essaieraient de s'organiser eux-mêmes de manière autonome. Pour les en dissuader. Mais il faut pas tomber dans ce jeu-là. Il faut pas tomber dans ce jeu-là. Donc je trouve que ce courrier est vraiment très pédagogique, à la fois pour des petits blancs qui sont dans des collèges ou des lycées, mais aussi en général. Ça nous dit vraiment quelque chose sur le fonctionnement du système, et notamment de la bureaucratie de la fonction publique. Oui, c'est l'homme libre contre l'homme soviétique, quoi. L'homme organisé par l'administration, nourri par l'État allemand. C'est intéressant sur ce point, quoi. Oui, il faut s'émanciper. Là, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a un basculement qui est en train de se manifester progressivement. Ça se déroule organiquement, un peu chaotiquement. On le voit par touche, mais ça va devenir de plus en plus répandu. C'est-à-dire que le deal, normalement, dans un État démocratique apaisé, comme ils appellent ça, un État de droit, n'est-ce pas, c'est que vous respectez la loi et en échange, l'État est censé assurer la protection de, entre guillemets, vos droits. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, du fait notamment de l'immigration du tiers-monde, hein, c'est que non seulement ça ne s'applique pas à ces populations-là, mais ces populations-là peuvent violer vos droits en toute impunité. Donc l'État n'intervient plus pour protéger vos droits. Donc ce n'est plus qu'à sens unique. Vous payez l'État par vos impôts, mais en réalité vous ne pouvez plus attendre en retour de services, de moins en moins. De moins en moins. Et sur des choses quand même assez sérieuses comme le régalien, c'est-à-dire l'intégrité physique des individus, l'intégrité des propriétés qui peuvent être dégradées, etc. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une lutte, une confrontation entre les populations qui vont être de plus en plus contraintes de s'organiser pour se défendre et un État qui ne va pas accepter. Mais la position de l'État va être de plus en plus difficile puisque sa prétention à administrer la vie des gens perd de plus en plus en légitimité puisque il n'est plus efficace pour les protéger. Or, les gens veulent bien se soumettre à une condition, c'est que l'État remplisse ses fonctions élémentaires. Or, c'est de moins en moins le cas. On le voit, on l'a encore vu cette semaine d'ailleurs. Donc, je pense qu'il va y avoir une confrontation là-dessus. Hein. Il va y avoir des tentatives d'intimidation sur toute une série de questions, notamment l'armement personnel, même légal. Ce serait peut-être l'occasion d'en parler. Enfin, il faudrait qu'on en parle, un de ces quatre. Je ne parle pas de l'armement en général, je parle de l'armement légal, notamment de... Parce qu'il y a, j'en parlais un peu avec Diabolix avant l'émission, mais il y a une petite musique anti-chasse qui monte depuis un certain nombre d'années, et on sent que derrière les prétextes écologiques, en réalité, se cachent des intentions gouvernementales qui n'ont rien à voir avec les petits oiseaux. On voit bien que de savoir que des Blancs disposent d'un armement, même pas militaire, mais d'un armement quand même certain, ça... peut inquiéter dans certains ministères. Ça peut inquéter. Voilà. Bon, donc voilà. Donc je trouve que ce témoignage est vraiment très utile. Et effectivement, là pour les jeunes blancs dans les collèges, ça c'est un modèle de choses. C'est un modèle qui a vocation à être reproduit, quoi. Mais c'est vrai qu'on enseigne aux blancs. C'est ça qu'on nous enseigne. On nous enseigne à être des individus. On nous enseigne pas à être des groupes. On nous apprend l'individualisme à l'école, on ne nous apprend pas, il faut former des groupes ensemble, on va agir, on va se défendre. Non, vous êtes seul face à l'institution, vous êtes seul face au prof, vous êtes seul face... et c'est comme ça ensuite quand vous quittez l'école, hein, quand vous êtes simplement un citoyen qui paye des impôts, un contribuable, vous êtes seul face à l'État. L'État ne veut pas que vous soyez organisé. Le collectif, c'est l'État, c'est la République. Nous, nous sommes des esclaves, qui doivent payer pour... Ouais. Des Arabes viennent te faire chier à l'école. C'est ça, hein. le blanc, c'est l'esclave hein, dans ce système. Dans ce système. Cette individualisation, petite chose, cette individualisation est marquée aujourd'hui, ironiquement, par la distanciation sociale. Vous voyez, les gestes barrières et tout ça, il faut être chacun de notre côté, comme par hasard. Oui, en plus que les Arabes ne respectent même pas. Enfin, je veux dire, ils s'en exonèrent totalement, ils s'en cachent pas. En Seine-Saint-Denis, etc. Ça avait même été reconnu, rappelez-vous, lors du premier confinement. Alors, on va en parler du confinement. On est dans le second, mais lors du premier confinement au printemps dernier, ça avait été reconnu par le préfet de Saint-Denis en disant, M. Castaner l'avait reconnu, il avait dit, ouais, mais en fait, ça s'applique pas dans la Seine-Saint-Denis parce qu'il le respectait pas déjà. Hein, c'était ça le. Il disait, oui, mais c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, ça, c'était aberrant. C'est-à-dire qu'on voyait bien que les décisions gouvernementales ne s'appliquaient qu'aux Blancs. D'accord, il y a que les blancs qui sont tenus d'être les bons cons dans l'affaire. Il y a que eux qui sont tenus. Tous les autres sont dispensés. Je veux dire, les manouches sont dispensés, les noirs sont dispensés, les arabes sont dispensés. Voilà, enfin c'est la réalité quoi. Donc il faut. Oui, mais ça, c'est parce qu'on les a parqués dans des choses, dans des HLM qui n'ont pas d'espace, les pauvres, alors du coup, etc. Ouais, je connais. De toute façon, ils ont toujours des excuses pour se justifier leurs incohérences. En tout cas, les jeunes blancs doivent apprendre à s'organiser en groupe pour se défendre. Si vous êtes seul, si vous êtes isolé, ça ne marchera pas. Et ça, vous pouvez le faire très vite. Il suffit juste d'un esprit organisateur. Là, dans le cas précis, c'était un scout. Mais finalement, il suffit juste de quelqu'un qui a envie de prendre l'initiative et de bien faire comprendre que... voilà. Et en fait, il suffit juste de dire « on sera là pour toi ». Si vous êtes deux ou trois, et voilà, on sera là pour toi, bah ça en fait un quatrième. Et ensuite, quand les cadres vont voir un autre, on sera là pour toi, ça en fait cinq, et ainsi de suite. Et très vite, vous pouvez avoir un groupe de 20-30 personnes comme ça, qui réagissent comme un seul homme, et qui marquent le territoire. Et voilà, et parce que vous l'avez bien vu, dans le cas précis, là, c'est très clair, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Comme dit l'adage, toi, le ciel t'aidera. C'est le meilleur des adages. Qui veut rajouter quelque chose sur ce témoignage ? Une petite chose, si ce n'est que l'individualisation, c'est contre nature aussi, parce que certes nous sommes des individus, mais nous avons vocation aussi à entrer dans des groupes. Et par exemple, dans les écoles de commerce, on se pose la question parfois pourquoi les écoles de commerce sont si chères. C'est parce que quand on rentre dans cette école, non seulement on y reçoit une formation particulière, mais en plus, on collecte un carnet d'adresses. Donc on est amené à être en relation avec des gens qui vont pouvoir nous trouver du boulot éventuellement, et réciproquement, on peut aussi aider ces gens-là. Voilà, c'est une des raisons qui explique que tout ça est aussi cher. Oui. Rubrique numéro 2, messieurs, dictature sanitaire. Ça y est, nous y sommes. Deuxième confinement. Dans l'émission, je pense que nous avions annoncé un second confinement. En tout cas, nous avions dit que c'était très probable il y a quelques mois de ça. Je pense que beaucoup de gens pensaient que c'était peu probable. Ça me semblait évident. Et on va revenir sur le pourquoi du comment. Mais avant cela, commençons par le commencement. Déclaration ce jour du ministre de la Santé, Olivier Véran. Là, je cite France Bleu, qui rapporte les propos du ministre. Tant pis pour les grandes tablées et les heures en cuisine à préparer le repas du réveillon. Cette année, Noël ne sera pas comme les autres, a prévenu Olivier Véran ce 1er novembre dans un entretien au journal du dimanche. Ce ne sera pas une fête normale cette année, a prévenu le ministre de la Santé, qui invite à prévoir des fêtes en petits comités. Et il est difficile d'envisager de grandes soirées pour le réveillon du 31 décembre également. Même s'il espère que les conditions permettront aux familles de se retrouver, rien n'est encore sûr alors que la France entame son troisième jour de reconfinement. Notre but est que la pression épidémique retombe pour qu'on puisse faire des courses à temps, se préparer dans la joie pour que les familles se retrouvent, a-t-il continué. Tout dépendra de l'efficacité de ce reconfinement à casser cette nouvelle vague. Les effets du couvre-feu mis en place mi-octobre et du confinement mis en place vendredi seront évalués à l'aune de plusieurs mesures, la baisse des contaminations d'abord, mais aussi la baisse des nouveaux cas graves, normalement espérés d'ici 2 semaines. Le but du ministre est de casser la deuxième vague le plus tôt possible pour qu'elle ne fasse pas trop de victimes. Il faudra ensuite maintenir un niveau de protection de la population suffisant pour éviter une troisième vague en attendant le vaccin. Ah ! Sur ce point, le ministre de la Santé se dit enfin modérément optimiste sur notre capacité à avoir un vaccin dans les prochain mois, oui, je pense, j'en fais ici la prophétie, le petit jeu devrait durer jusqu'en 2022, croyez-moi. Alors, messieurs, pas de Noël, pas de Noël, pas de réveillon, pas de nouvelle année, voilà. Les pépés, les mémés, elles vont fêter Noël tout seules, hein, dans leur salon, en regardant les murs, hein. C'est une civilisation qui est en train d'être détruite, mais est-ce si grave? Je vous pose la question. Par contre, hein, n'oubliez pas de continuer d'aller travailler et de payer vos impôts, hein. Oui, merci. C'est vrai. Parlons un peu de ce confinement très très audacieux, hein. En fait, on peut juste aller bosser, hein. C'est ça. C'est le confinement, c'est du lundi matin jusqu'au vendredi soir. J'ai bien compris. bosser et aller dans les supermarchés. C'est-à-dire, tu peux plus aller au resto manger un petit peu, avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va dire. Tu vas bosser, tu bouffes ton truc que tu as acheté dans un supermarché, et puis le week-end, tu sors pas, parce que si tu sors, 135 euros la première fois, et puis après, peut-être, ça peut être 1500, et après, peut-être on peut te foutre en tôle, éventuellement. Ah, c'est pas peut-être, hein, c'est prévu par la loi, 6 mois de prison. Hein. Oui, non, mais je sais bien, quand je dis peut-être, c'est... Bon. C'est à la troisième reprise. Voilà, c'est ça, notre troisième coup, c'est la tôle. Le goulag. C'est bien, quand on sait qu'il y a des violeurs qui prennent du sursis, par exemple. Hein, eux, ils n'ont pas de prison, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas les codes. Donc Nous, on a les codes, donc comme on a les codes, on doit faire ça. Ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'esclavage. Hein, c'est, des blancs, hein, des blancs, hein, attention, hein, des blancs. Hein. Ah oui, des blancs, oui, parce que le confinement ne s'applique pas aux gens marrons. Je crois que c'était, je sais pas si c'était mis sur le site, mais j'ai vu que samedi, il y a eu des élections africaines en France, du coup, à Aubervilliers, je crois. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Sur la journée, hein. Il y a eu la Côte d'Ivoire, où il y a eu 30 000 à 40 000 nègres qui sont venus s'empiler pour voter, sachant que, comment dire, ces gens... sur place, le président sortant se représente et tu as la partie adverse, enfin les parties adverses qui ont appelé à boycotter. Tu as dû avoir des nègres qui se sont hurlés dessus toute la journée, en fait. Ils disent, faut pas voter, ouais. Et ça a dû se foutre des gifles à tour la tire à l'arrigo. Bon, ça, bon, pour le coup, le confinement, hein, eux, ça va, il n'y a pas de problème, ils se sont empilés dans leur truc. Et puis ils ont dû suer en abondance, tous les uns sur les autres. Là. Imagine. Oui, parce que c'est vrai que tu as le bruit, mais le bruit va l'odeur. Ouais, l'odeur, et là, c'est quand même costaud. Quoi. Ouais. J'ai vu des photos où ils étaient empilés dans le bureau de vote. Imagine, en plus, avec leur masque sur la gueule. Putain. Tu dois avoir l'odeur de leur gueule qui est macérée. Ouh. Ça doit être particulièrement infect. Donc 40 000 nègres qui se sont... C'est dans quelle ville? Je crois que c'est Aubervilliers. Aubervilliers. D'accord. Ça, donc, ouais, les bureaux de vote, ils ne voient rien à Aubervilliers, pour ceux qui l'ignoraient. Voilà. Hein. D'accord. Voilà, ça, c'est bon. Par contre, si tu vas aux champignons, tu mets en danger la nation. T'es un fils de pute. C'est très officiel. On est devenus des citoyens de seconde zone dans notre propre pays. Ah non, des citoyen, c'est beaucoup dire. Hein. Citoyen, voilà. Oui, façon de parler. Vous n'avez plus le droit non plus d'acheter de livres. Hein. C'est-à-dire que. Bon, ah oui, je voulais en revenir là-dessus, mais on va en parler dans le deuxième truc. Donc, il y a plusieurs points, donc on va y revenir, Alexis. Mais oui, on est des ilotes. Des ilotes. On est. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, les ilotes, en fait, c'était des paysans qui étaient attachés à leur terre à Sparte. Hein. Donc, en fait, y a les citoyens, c'était les Spartiates. Donc, qui étaient quelques milliers de soldats, qui eux étaient libres, puis les ilotes, qui étaient attachés à leur lopin de terre, et qui n'avaient pas le droit de le quitter, hein, qui devaient le travailler et donner tous les ans une part de leur production donc, aux Spartiates. Bah voilà, c'est ça, hein, c'est ce que vous êtes, mais là, concrètement, c'est-à-dire vous êtes attachés à votre lopin de terre, c'est-à-dire votre domicile. Bon, évidemment, on n'est pas dans un mode de production agricole, donc vous avez quand même l'obligation de vous déplacer sur votre lieu de travail, mais vous revenez immédiatement après avoir travaillé, vous retournez à la maison, voilà, vous attendez sagement là, et puis vous faites la navette. J'ai regardé les images le lundi matin, pour ceux qui doivent aller dans le RER, j'ai vu là une promiscuité avec des populations, d'ailleurs, une très grande diversité, hein, faut bien le dire. Et c'est vrai que quand on te dit que ça va, mais que quand tu te balades tout seul en forêt, ça va pas, parce que tu sors sans autorisation, là, on sent qu'on est, on est ailleurs, on est dans autre chose. Alors, j'aimerais vous poser la question à tous. Ça y est, c'est le deuxième confinement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Du fait qu'il y en ait un deuxième. Comment vous voyez ça? Moi, je dirais d'abord qu'ils continuent dans leur logique. Hein. On a déjà vu, mais enfin, à partir du moment où ils avaient fait la logique du confinement, même si un pays qui n'a pas confiné comme la Suède, ou dans une certaine mesure aussi les Pays-Bas ou la Biélorussie, ces populations n'ont pas été décimées particulièrement, semble-t-il. Alors évidemment, il y a toujours des querelles de chiffres, des gens d'une mauvaise foi terrible, dont il faut aussi s'interroger sur les financements, hein, certains qui sont financés directement par les labos et compagnie. Mais en tout cas, là, le résultat du confinement était faible pour la France, et la France avait des mauvais résultats par rapport au nombre d'habitants. Et plein de gens n'avaient pas été soignés. Enfin, c'est un argument qu'ils essaient de retourner à leur sauce maintenant. Mais ils essaient de tout faire pour détruire. Là, je crois qu'on est obligé de s'interroger sur leur bonne volonté. Parce que jusqu'à présent, on disait quand même, les politiques, ils essaient de bien faire. Ils font des erreurs comme tout le monde. Mais globalement, ça va. Enfin, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Là, je pense concrètement qu'on peut s'interroger sur leur bonne volonté et leurs intentions. Qui d'autre sur le second confinement, le concept en lui-même, parce que je pense que beaucoup de gens pensaient qu'il n'y en aurait qu'un. Est-ce que ça... Je trouve que c'est osé, en fait, parce que le faire en pleine fête de Noël, privilégiant de ces fêtes-là, qui sont peut-être les plus grandes fêtes de l'année, ils n'ont pas peur, ils ont confiance dans leur pouvoir sur la population. Eh ben, pour eux, bonjour à tous, hein, je suis un peu en retard, excusez-moi, il y a une porte-parole de La République En Marche, je ne sais plus son nom, parce que de toute façon, ils se ressemblent tous, qui a annoncé, par exemple, que cette année, Noël aurait lieu l'année prochaine au printemps. Voilà. Ces gens ne doutent de rien, il n'y a pas de problème. Ah. Bon. Il y a le Ramadan aura lieu. Une annonce similaire par la ministre de je ne sais plus quoi, liée à la santé, qui s'appelle, si je me souviens bien, Christiane Jacobs, qui dit la même chose, en précisant, il faudra peut-être fêter Noël et Nouvel An en juillet-août. Ah oui, quand même, oui. Diabolique, tu voulais dire un truc ? Il y a quand même une chose qui me rassure énormément, c'est que les EHPAD ont reçu les médicaments pour pouvoir accélérer le décès des personnes âgées, donc il va y avoir une grande vague de succession chez les notaires. Oui, alors ça, il y a ça aussi. Oui, je répète, hein, pour ceux qui auraient peut-être manqué le train, mais ce virus est une grosse grippe. Hein. C'est pas la peste noire, même si on en a déjà parlé. Hein, quelqu'un comme Salomon, porte-parole du gouvernement sur ces questions lors du premier confinement, l'avait comparé à la peste noire. Non, ce n'est pas la peste noire, même pas la grippe espagnole. Hein, c'est une grosse grippe. Mais dont on nous dit qu'elle est terrible, parce qu'elle a tué, je crois, 30 000 personnes, dont la moyenne d'âge est de 84 ans. Donc des gens qui sont âgés, qui ont souvent d'autres maladies. Et on nous dit que cette fois, ça va être encore pire, on va en tuer encore peut-être 40 000, donc encore 40 000 octogénaires en moyenne, voilà. Et... En 9 mois, hein, faut le préciser, en 9 ouais, mois. Donc. En 9 mois, et pourtant, jusqu'à présent, la courbe de la mortalité française n'est pratiquement pas, n'a pas varié par rapport à l'année précédente, c'est anecdotique. Donc il faut bien comprendre que tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ils le font au titre d'un état d'urgence auquel ils feignent de croire, mais qui n'a pas le moindre début de réalité. Ça n'a pas le moindre début de réalité. Il ne se passe rien. Il faut quand même le rappeler. Donc c'est là que ça me force à revenir sur ce que disait Alexis. C'est-à-dire qu'il faut quand même maintenant commencer à se poser la question où veulent en venir ces politiciens, et plus encore que les politiciens qui finalement là-dessus suivent. Mais les donneurs d'ordre qu'on va retrouver à l'OMS, leur antenne en France et dans les différents pays occidentaux, dans les médias, où ces gens veulent-ils en venir ? En essayant de nous faire croire que cette grosse grippe est la maladie du siècle. Hein, il faut quand même s'interroger, parce que quand on voit sa létalité, excusez-moi, par exemple, on n'a jamais interdit le tabac, on sait que ça fait beaucoup plus de morts, par exemple, chaque année. Il n'y a pas de velléité dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut effectivement se poser la question des buts. Alors, avant de vous redonner la parole, comme Alexis, tu avais parlé des librairies, permets-moi de citer la presse sur cette question. Là, c'est Ouest-France. Hein. Là, c'est assez délirant. Hein. J'ai vu des photos, c'est assez fou. Alors, pas de quoi faire changer. Attendez, autant pour moi. Donc, confinement, les librairies contraintes de fermer, le monde du livre se révolte. Alors, j'ai pris quelques parties de l'article. Alors, pas de quoi faire changer d'avis le gouvernement, donc la mobilisation des libraires, qui a confirmé jeudi soir que les librairies resteraient fermées. Les librairies ne font pas pour le moment partie des commerces ouverts, mais elles pourront, comme les disquaires d'ailleurs, organiser des activités de livraison et de retrait de commandes, c'est-à-dire le « click and collect », a souligné la ministre de la Culture Roselyne Bachelot lors de la conférence de presse sur les mesures de confinement. Comme pour d'autres types d'enseignes, nous verrons dans 15 jours, au regard de la situation sanitaire, si une ouverture classique redevient possible, a poursuivi la ministre. Depuis, le monde de la culture ne désarme pas. Jeudi soir, le prix Goncourt a annoncé qu'il reportait la remise de son prix pour solidarité avec les libraires. Pour les académiciens, il n'est pas question de le remettre plateforme de vente, a expliqué la déléguée générale de l'Académie Goncourt, Françoise Rossineau. Dans une tribune dans le Figaro, 68 sénateurs ont également lancé un appel pour que les libraires soient considérés comme commerce de première nécessité, alors que souffle le vent mauvais de l'obscurantisme et des nouvelles idéologies totalitaires, gardons à l'esprit qu'elles sont un lieu où vivent les valeurs de modération, de bienveillance, de tolérance et d'intelligence collective, prônent les signataires. Bon, là on mélange un peu les genres, on nous parle un peu d'islam radical, mais bon... Enfin, le critique littéraire François Bunel a décidé de lancer une pétition. Nous avons tous entendu le président de la République nous dire que nous étions en guerre. Pourquoi nous priver du meilleur bataillon pour nous permettre d'affronter l'obscurantisme ? Interroge-t-il sur France Info. La FNAC va ouvrir ! Et la situation ne semble pas près de se calmer, puisque selon une information Europe 1, la direction de FNAC Darty a décidé d'ouvrir ses magasins et de vendre aussi bien de l'électroménager que des livres, un choix qui a fait réagir le patron de la librairie Bulle au Mans. Il doit tenir une conférence de presse à 10h et appelle les libraires Manceau à entrer en résistance. Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, Fnac Darty est une propriété juive. Donc la propriété juive Fnac Darty a un passe-droit, j'ai été vérifié. Ils peuvent ouvrir. Ils peuvent ouvrir puisque... Je crois que c'est terminé là par contre, c'était que samedi. Parce que je sais pas, ils ont eu des passe-droits visiblement, parce qu'ils ont dit on est obligé de vendre parce que sinon Amazon va nous damer le pion avec les livraisons à domicile. Alors quelles sont les manœuvres, je ne sais pas, mais visiblement je crois que, bon on peut discuter du fond, là c'est clair, hein, c'est clair que l'objectif, non avoué, mais l'objectif c'est d'éradiquer les librairies possédées par des petites antennes, quoi, hein, ça me paraît évident. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il y avait Alexis qui voulait parler de ça, justement. Alors, j'ai vu des images. Ils foutent carrément des bâches dans les magasins. Ils foutent des bâches sur les livres. Vous n'avez pas vu ça ? Si, mais les bâches arrêtent le virus. Hein. Voilà. Alors là, on se dit, il se passe quoi ? Parce qu'à côté, tous les rayons sont ouverts, quoi, je veux dire. Hein. Tous les autres rayons sont absolument ouverts. Hein. Ah bah, de toute façon, ils ont réponse à tout. Ça peut être les bâches, et ils pourront dire qu'ils ont désinfecté à l'eau de Javel ou au gel hydroalcoolique tous les bouquins. Ils nous disent aussi que dans le métro parisien, ou dans d'autres villes d'ailleurs, mais surtout parisien, il y a du brassage, d'accord, mais en fait, les gens sont très respectueux du port du masque, donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de morts et de réanimations autour de... De toute façon, c'est un truc complètement ubuesque, là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais le livre, c'est quand même une invention européenne, c'est la continuité de l'imprimerie, inventé par Gutenberg il y a quelques années maintenant, il y a 500 ans environ, dans beaucoup d'autres pays, africains, musulmans et compagnie, le livre c'est un truc qui n'existe pas ou quasiment pas, les gens ne lisent pas, beaucoup sont analphabètes, donc c'est quelque chose, bon évidemment il y a des bouquins de très faible qualité qui sortent aujourd'hui, il faut le reconnaître, mais c'est quand même, ça fait partie de notre art de vivre, et là, je sais pas, c'est bizarre. Pour moi, vraiment, je pense, si vous voulez, que... déjà, on pourrait peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quels sont les buts de l'opération. Moi, je pense très clairement que ça n'a rien à voir avec une question sanitaire, une question virale, c'est un prétexte. Les États occidentaux, les États européens sont criblés de dettes. Et ils avaient lancé leur politique, la Banque Centrale Européenne avait lancé en 2013-2014 une politique de taux d'intérêt très bas, à zéro, pensant voire négatif, pensant encourager les gens à investir, à stimuler la dépense, sans succès. Alors maintenant, ils ont un véritable problème, puisque... finalement, il y a toute une série de choses, les fonds de pension, tout ça, qui ne peuvent pas se financer avec de tels taux d'intérêt. Donc, en fait, ils sont piégés et ils sont ainsi sur une dette qu'ils ne peuvent plus rembourser. Et c'est encore aggravé par ce qui vient d'arriver. Mais je pense en fait que c'est totalement piloté. C'est-à-dire que soit ils acceptaient, ils admettaient que le système tel qu'il était conçu, le système notamment en Europe avec une très grande dépense publique, des systèmes sociaux extrêmement généreux, extrêmement larges, et notamment socialisés pour les retraites, pour la santé, toute une série de choses comme ça qui structurent les peuples et grâce auxquels effectivement on les contrôle, que ça s'approchait de l'insolvabilité. Et que si on allait au terme de l'insolvabilité, c'est-à-dire que si les États européens comme la France, comme l'Italie et d'autres pays dans la même situation faisaient défaut, même partiel, on aboutirait à des troubles sociaux extrêmement graves et extrêmement violents, surtout dans des pays aussi instables que la France, comme on le voit. Donc, le système s'est dit, bon, bah, maintenant, on va opter pour une nouvelle phase, donc après l'échec là, de la politique keynésienne traditionnelle, la politique socialiste traditionnelle de relance avec des taux faibles, je pense maintenant que le projet, qui est... le fruit d'une espèce de coalition de circonstances entre effectivement la Silicon Valley, donc des oligarques de la nouvelle économie digitale, la grande finance établie au New York, Londres, des grands groupes qui sont devenus des monopoles, comme Amazon par exemple, et les grands États, je pense qu'il y a il y a l'idée de basculer dans une vraie forme d'économie planifiée. Néo-soviétique. Je pense que c'est vers ça qu'on va. Et dans un système comme ça, toutes les libertés premières n'ont plus leur place. C'est-à-dire que le droit de propriété, ça n'existe plus. Le droit d'exprimer ses idées, ça n'existe plus. Parce qu'il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de liberté d'action dans un système comme ça. Qui dit planifié, dit ordre, avec impossibilité de s'en retrancher. Et je crois que l'excuse virale vise à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'euthanasier des trucs dont ils estiment qu'ils n'en auront pas besoin dans la phase suivante, notamment dans les PMI, PME, et certains secteurs, hôtellerie, restauration, tout ça, ils n'ont pas besoin. La librairie, moi je trouve que c'est très intéressant sur la librairie, et là pour moi je pense que c'est tout sauf anecdotique. Pourquoi voudrait-il précipiter la disparition des librairies qui étaient déjà entamées au profit de trucs comme Amazon ? Bah, s'ils veulent vraiment contrôler les populations pour pouvoir aller au bout de leurs trucs, faut même pas qu'il y ait des lieux où vous pouvez avoir une littérature qu'on ne peut pas censurer, qui circule. Alors que sur Amazon, comme tout est digital maintenant, si vous avez décidé d'interdire un auteur, avec les algorithmes, c'est réglé. D'accord ? On a les moyens techniques de le faire aujourd'hui, et même de le faire dans le futur beaucoup plus drastiquement. Donc il va y avoir, un petit peu comme dans les films d'anticipation qu'on a eu connus, où vous savez, on détruisait les livres, mais c'était toujours mis en scène de manière un petit peu artisanale, ou comme dans Fahrenheit, des films comme ça, où il y avait des brigades de pompiers, en fait, qui étaient des brigades de pyromanes qui venaient au domicile des gens confisquer les livres pour les brûler. Ben, en fait, il suffira de vous effacer les contenus disponibles sur Amazon. Alors que quand vous avez encore des librairies, ou... Bon, souvent, c'est des librairies de gauche, mais je veux dire, c'est quand même du petit commerce, c'est assez difficile, il peut y avoir peut-être une littérature d'occasion qui est disponible. Je crois que dans le système dans lequel on va, ça, ce n'est même plus envisageable. Alors les gens peut-être qu'ils vont tiquer quand je dis ça, et les gens vont me dire que là je vais peut-être trop loin, mais bon, si on va bel et bien vers un système néo-soviétique, dans le bloc de l'Est, on ne lisait pas les livres qu'on avait envie de lire. Ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. La littérature interdite circulait clandestinement et en très petite quantité. Alexis, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est très riche sur ce que tu dis. Alors, tu parles des... Quelle est la conséquence ? Alors, c'est peut-être d'ailleurs aussi le but recherché, mais la conséquence de tout ça, ce sera donc un renforcement des très grands groupes. Donc, comme tu as dit, les GAFAM, Google, Amazon, etc. Ça, donc, il y a une alliance avec des politiques qui ont été probablement, à mon avis, soudoyées. Donc, des très grands, et parmi eux aussi bah, les industries pharmaceutiques, puisque bah, la question du vaccin qui serait obligatoire revient très souvent aussi. Bon, sur la politique monétaire, on savait déjà que dans l'ensemble, les PME, PMI n'étaient pas très valorisés dans les pays européens. Il y avait beaucoup de taxes par rapport à leurs revenus en général, alors que les très grands groupes, en général, s'arrangeaient pour faire un peu d'évasion. Évasion fiscale, c'est difficile à évaluer. Bon, par définition, une fraude, on ne peut pas trop l'évaluer. Mais d'ailleurs, parfois, ce n'est pas de la fraude, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Mais quand vous avez une boucherie... en France, vous êtes obligé de tout déclarer en France. Si on vous donne des billets, des trucs, bon, vous êtes obligé de tout déclarer. Donc, par rapport à ce qu'ils gagnent, ils étaient déjà obligés de donner beaucoup et avec des réglementations de plus en plus importantes. Là, ils ont été obligés de fermer une première fois. Ils doivent fermer une deuxième fois. Alors, on nous a dit, les gouvernants ont dit oui, alors, il y a report des charges et puis on vous file des aides et tout ça. Alors, des aides, tout le monde n'en a pas reçu non plus parce qu'il y avait des gens qui avaient gagné un petit peu trop d'argent. Ils étaient un petit peu au-dessus du seuil l'année d'avant. Donc, il y a des émissions mainstream hein, là-dessus, même RTL, Pascal Pro qui apparaît de ça. Des intervenants, des commerçants qui sont intervenus pour dire qu'ils n'avaient rien touché depuis le mois d'avril. Et puis en plus de ça, même si jamais après Noël, il y avait un déconfinement, etc., les gens se seraient habitués à ne plus fréquenter leurs lieux, même si ces lieux restaient encore ouverts. Et d'ailleurs, bon, je termine là-dessus pour ne pas faire trop long. Une agence américaine, McKinsey, je crois, donc qui s'occupe des questions économiques, monétaires, estime que la moitié des PME européennes, voire même un petit peu plus, et ça c'était encore avant l'annonce du deuxième confinement dans plusieurs pays, la moitié des PME européennes fermeraient leurs portes, enfin mettraient la clé sous la porte d'ici à la fin de l'année prochaine. Moi j'ai vu un chiffre au stade actuel, hein, donc avant les effets du second confinement, on était sur un tiers. Des small businesses, donc les PMI, PME, les petites entreprises, quoi. Okay, là, on est en train de la destruction, parce que c'est un phénomène qui prend beaucoup plus de temps qu'on ne pense. Hein. Ça prend pas 3 mois à détruire un petit business, hein, ça prend plus de temps quand même. Donc, on est sur des phénomènes de destruction tout à fait considérables. Là, j'ai vu, si vous voulez, pour l'information, que le PIB français, et ça, c'était avant le calcul des effets hein, du deuxième confinement, on était sur 119-120% du PIB en endettement public. Donc, on a pris 20% d'endettement en quelques mois. Et en fait, c'est ce qui me conforte dans l'idée que le programme suivant est totalement prévisible. Et qui n'est pas limité à la France. Et notamment au niveau de l'Union européenne, c'est que ce qui est prévu, parce qu'ils savent que les États vont faire faillite. C'est ce que j'ai dit. Hein. Et tout le but de cette opération, c'est notamment de conjurer la faillite des États tels qu'ils sont conçus, et de basculer carrément, des États socialisés, donc du stato-socialisme hérité de 45, de basculer dans le soviétisme. C'est-à-dire, on a pratiquement plus de propriété privée, quoi. Et ce qui me fait dire ça, c'est que pour qu'ils se permettent une telle fuite en avant en termes de dépenses publiques, c'est que ces gens qui déjà n'avaient visiblement pas l'intention de la rembourser ont encore moins l'intention de la rembourser. Et ils se disent, bah, puisqu'on ne va pas rembourser, puisqu'on sait qu'on ne va pas la rembourser, on va s'endetter à fond. Et le projet qu'ils ont, au niveau de l'eurozone, là, c'est de créer ce qu'ils appellent les bons perpétuels. Donc actuellement, vous avez des bons de dette souveraine, donc vous êtes, par exemple, vous êtes un particulier, vous avez de l'argent, et vous achetez un bon pour telle valeur à l'État français sur 10 ans. Et au bout de 10 ans, l'État français est tenu de vous le rembourser. D'accord ? Or, le bon perpétuel, donc là... nouveau concept qu'ils veulent mettre en place, c'est de rassembler toutes les dettes des États européens et de dire aux créanciers, nous ne vous rembourserons jamais le montant, uniquement le taux d'intérêt, perpétuellement. D'accord ? Donc les États vont dire à ces gens, non, on va vous rembourser, rassurez-vous, mais le taux d'intérêt seulement. Et donc, en fait, les créanciers seront prisonniers parce que ils détiendront bien un titre, mais qui ne sera jamais remboursé. Mais ils seront quand même, pour certains, ils se diront, bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix et j'ai au moins les intérêts pour me, si vous voulez, pour me, pour me consoler, si vous voulez. Ça c'est ce qu'ils ont en tête. C'est ce qu'ils ont en tête et qu'ils devraient faire d'ici un laps de temps pas trop court. C'est une des mesures qu'ils ont en tête. C'est une pour conjurer justement l'écroulement complet des États occidentaux qui sont juchés donc sur une dette irremboursable. Et c'est ce qui explique que là, ils n'ont plus aucune retenue à gonfler cette dette, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de pigeonner les créanciers. Donc pourquoi s'en priver ? Puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas rembourser, ils disent « Bon allez, on va faire exploser la dette de 20%, de 30% en un an. On va jurer nos grands dieux qu'on va rembourser. Et puis on va leur faire le coup que je vous ai dit. » Ça, c'est ce qui est en cours. Donc pour moi, on n'est pas du tout sur une question sanitaire. Et puis l'avantage du confinement, c'est qu'on peut faire, on force les gens à rester chez eux. On force les gens à rester chez eux. Donc ils ne sont pas dans la rue en train de manifester. Même si pour la première fois, on voit que ça commence. Parce qu'on voit qu'en Italie, il y a des petites manifestations, mais quand même assez violentes. En Espagne, il y a eu aussi quelques éclats de violence. Bon, ça n'a pas un caractère de masse encore. J'ai vu à Barcelone aussi. Ouais. Mais il y a des mairies en France qui ont pris des arrêtés pour contrer la fermeture des commerces. Avec des réactions des préfets qui sont... c'est absolument délirant, quoi. Hein, le préfet de Nice, là, le préfet des Alpes-Maritimes, a fait une réaction par rapport à ça, en disant que si les commerçants ouvraient, il fallait qu'ils s'attendent à ne pas recevoir d'aide de l'État, etc. Enfin, c'est vraiment la menace, quoi. C'est très sale. Un État libre, n'est-ce pas ? Un État libre. Oui. Ouais, mais c'est ça, hein, je veux dire. Là, pour le coup, les gens peuvent vraiment ressentir ce qu'est de vivre sous occupation. Voilà, vous vivez sous occupation et c'est ça. Donc, mais ça va être bien pire. Et c'est pour ça aussi, donc, outre la question de l'explosion de la dette, c'est que cette histoire de librairie, bon, il y avait une tendance, hein, je veux dire, très claire, de mutation dans la façon dont les gens achètent des livres, parce que tout ça se digitalise de plus en plus. Enfin, la vente se passe sur Internet, mais il y a une accélération. Je pense que cette accélération est recherchée. Donc, en fait, dans l'esprit, si vous voulez, des décisionnaires du Politburo occidental, ils se disent bon, de toute façon, on va vers ces grandes structures qui vendent en ligne. Débarrassons-nous de ces gens-là qui ne nous servent à rien et qui pourraient, par ailleurs, vendre une littérature que nous ne pourrons pas contrôler. Alors que Amazon, c'est très facilement contrôlable. Hein. Très facilement contrôlable. C'est marrant que tu parles de ça, Gandalf, parce qu'aujourd'hui, il y a une petite polémique, tempête dans un verre d'eau, sur les magasins Leclerc qui vendent des éditions de Mein Kampf, où en fait, il n'y a pas l'introduction de 50 pages, vous savez, rédigées par des rabbins. Et la description du bouquin, en fait, est assez... je dirais pas dithyrambique, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas. On va commencer par vous expliquer pourquoi Adolf Hitler est un sale type. Donc, il y a des gauchistes qui s'insurgent de ça et qui veulent que Leclerc boycotte Mein Kampf. Ça, c'est intéressant à savoir, ça. Ouais, sinon Amazon, parce qu'il y a Renoir qui parle de ça, je crois. Renoir avait dit qu'Amazon ne vendait plus les livres révisionnistes, par exemple. Donc, ouais, c'est une illustration de ce que tu dis sur le domaine du livre. Après, évidemment que le côté sanitaire, c'est une excuse, c'est un prétexte pour faire passer des lois. Alors, bon, parler de leurs intentions, quelles sont-elles ? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on sait normalement que c'est le petit commerce qui fait tourner l'économie, enfin qui participe beaucoup à faire créer l'économie, il crée pas mal d'emplois, les PMI, PME créent beaucoup d'emplois par rapport à leur taille, à leur proportion, et puis quand même dégagent de la croissance. C'est pas les fonctionnaires qui dégagent de la croissance. Donc si on veut rembourser une dette, il faut normalement créer de la croissance. Enfin, bon. Donc déjà là, s'il y a une contradiction à supposer que eux ils veulent véritablement améliorer notre situation économique, là ils le font pas bien sûr, ils font le contraire. Charles Gave lui explique notamment que les taux d'intérêt bas favorisent ceux qui étaient déjà riches auparavant, c'est-à-dire ceux qui ont et du coup qui ont la possibilité de lever plusieurs millions d'euros pour acheter une entreprise, etc., ou un immeuble, et puis finalement faire une utilisation sur le court terme, voilà, mais qui sera pas bonne sur le long terme. Donc après, il y a plein de choses qui rentrent en cause, mais bon, alors personnellement, j'ai tendance à croire que la question sanitaire, elle était déjà dans les cartons depuis un moment. Alors chez les élites mondialistes, c'est une théorie parmi d'autres, mais On nous parle d'un vaccin, il faut savoir qu'un vaccin, Frédéric Tangil de l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur l'a dit, Adrien Hill, l'Institut Jenner, dans son équivalent à Londres, a dit que il fallait des années, 10-15 ans, ce qui est vrai d'ailleurs, pour élaborer des vaccins. Et là, on nous sortirait un vaccin en 2 ans. Bon, moins de 2 ans, hein, un an et demi, j'y crois pas trop. Quoi. Je pense que c'était prévu un petit peu d'avant. Quoi. D'ailleurs, Jacques Attali l'avait dit notamment en 2009 dans un édito de l'Express, il avait dit quand il y aura une crise sanitaire, les gens abandonneront leur liberté par peur. Et... Oui, il s'en cache pas du tout. Il y avait l'Union européenne avait annoncé en 2018 son programme pour un passeport sanitaire. Sans lequel vous ne pourriez pas voyager en Europe, vous ne pourriez pas vous déplacer d'un État européen à un autre État européen. Donc ça, c'était en 2018, c'était pas en 2020. Et donc il va être mis en place, et ça supposera d'être vacciné. Et donc d'être vacciné au profit de, on sait, hein, les grands groupes qui sont derrière, à commencer par Bill Gates, hein, qui sont impliqués. Dans ce type d'industrie, mais il y a aussi une dimension politique de contrôle de mouvement des populations et de mise à mort sociale des réfractaires. Alors là, on voit des choses en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, où, en, comment dirais-je, les gens sont vraiment... En Nouvelle-Zélande, ils le font. Hein. Par exemple, on vous met sur des sites gardés par l'armée, si vous êtes positif. Donc... Moi, ce que je vois, si vous voulez, dans tout ça, c'est que c'est bon, très clairement, en fait, l'excuse du virus, c'est pour le système de s'affranchir totalement de toutes les contraintes légales qu'il pouvait encore exister et auxquelles les gens pouvaient tenir face à l'arbitraire du pouvoir. Et c'est un putsch sans équivalent, d'ailleurs, dans l'histoire humaine. Hein, c'est la première fois qu'on voit ça, on confine... le monde occidental complet, voilà, on nous dit, on voit ça, voilà, on va mettre les gens dans des camps gardés par l'armée, on voit maintenant effectivement des zones avec des livres qui sont bâchés, les gens n'ont plus le droit de sortir de chez eux, ils n'ont plus le droit de prendre l'avion, puis on mélange tout ça aussi, hein, rappelez-vous, hein, lors du premier confinement, les aides à Air France seront conditionnées à la fermeture de certains trajets. Quel rapport avec le virus, hein? Donc on voit bien qu'ils mélangeaient déjà la question virale et sanitaire avec la question climatique qu'ils essayaient d'imposer depuis longtemps pour justifier là aussi une forme de décroissance, c'est-à-dire une forme de rationnement, hein? On explique aux populations que non, elles ne pourront plus aller où elles veulent quand elles veulent, même si elles peuvent se l'offrir. Voilà, il va y avoir une réduction du train de vie, une réduction du confort, une réduction de la liberté de mouvement. Et il faut une excuse, et l'excuse, c'est le climat. Mais on voit que c'était tout de suite, dès le premier confinement, qu'ils ont essayé de mélanger les choses, et je pense que ce mélange va continuer. Donc, maintenant, moi, ce qui avait beaucoup retenu mon attention lors du premier confinement, c'est qu'en France existe d'ores et déjà toute l'infrastructure pour éliminer des gens. Donc, les dispositions ont été prises par décret. On peut dire, voilà, cette personne-là, on l'a reçue à l'hôpital. Elle était en état de détresse, comment dirais-je, en raison de la maladie. On ne pouvait plus rien faire pour elle. Donc, on l'a aidée à partir, entre guillemets, c'est-à-dire on l'a euthanasiée. Bien. Le problème que moi je vois avec ça, c'est que, dans ce processus-là, il n'y a absolument aucun moyen pour les gens de savoir ce qu'il se passe réellement. Donc, qu'est-ce qui nous dit que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 4 ans ou 5 ans, il n'y aura pas des gens qui, pour X ou Y raison, seront envoyés dans des hôpitaux ou des unités Covid qui auront été créées spécialement, où on nous dira qu'ils ont été admis dans un état grave, et qu'on n'a pas pu les sauver, et qu'on les a aidés à partir. Vous voyez, parce que la famille, comme je l'ai déjà dit, ne peut pas voir le corps, il n'y a pas d'autopsie, donc on est obligé de se fier à ce que disent les autorités, et le corps est enterré en petit comité. Donc tout ça, c'est un type de procédé qui aurait pu être inventé par l'Union soviétique. N'est-ce pas ? Je parle de l'Union soviétique des années 30, sous Staline, au plus fort de la terreur stalinienne. Donc, Ça, c'est en place, c'est-à-dire que le principe est acquis. Et il n'est même pas caché, c'est ça qui est peut-être le plus révélateur, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont assumé cette politique. Et les populations n'ont pas bronché. Alors là, je dis, on pourrait avoir quelques surprises, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on risque de passer... Alors, c'est pas un traitement qui va nécessairement être appliqué à des millions de gens, et à l'aveugle, d'accord ? Mais si on peut faire glisser dans le lot des gens qui sont considérés comme gênants, ma foi, qui ira poser des questions ? Surtout que les tests ne sont pas fiables. Enfin, les tests fonctionnent pas. Il y a des gens qui sont porteurs sains, comme on dit. Bon, et puis l'inventeur de ce test PCR, Karim Ellis, a dit, alors c'est en anglais, mais ça a été enregistré et tout ça. Et il a dit que ces tests-là, ça servait pour des questions génétiques. Et il est mort maintenant. Il est mort en 2019, mais il avait dit que son test aurait pu être la porte ouverte à des manipulations pour des gens. Mais que c'était pas, en tout cas, ce serait pas un test pertinent pour ce qui est de ce test-là. Bon. Pas trop développé là-dessus, mais il y a le président de la Tanzanie, là. Bon, c'est un peu une ironie du sort, mais c'est un Africain, mais il est docteur en chimie, c'est quelqu'un qui a un certain niveau en sciences, puis il a fait une vidéo comme ça, qui a été traduite fidèlement, semble-t-il, parce que c'est en la langue locale, mais pour dire qu'il avait mis ces tests-là dans des papayes, dans des chèvres, et que parfois, ça avait été positif. Il y avait des trucs, c'était n'importe quoi, parce que les tests ne sont pas pertinents, c'est évident, quoi. Non, c'est évident. Mais je veux dire, ce qu'il faut retenir de tout ça, à mon sens, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux dire, ce n'est pas une question de virus, d'accord ? La gravité de ce virus n'est pas telle qu'elle justifie de telles mesures d'exception, et ces gens-là ont un autre plan en tête, des motivations extrêmement différentes. C'est pour ça que je souligne les conditions qui ont été imposées à Air France pour toucher des aides financières. On leur parle de température, de climat, de réchauffement... Bon. On comprend bien qu'on n'était pas sur une question virale, donc on voit bien que ces gens-là, ils ont des idées en tête, il y a un programme en tête, et ce programme n'est pas franco-français, c'est un programme qui est occidental au moins, c'est au moins occidental, on retrouve ça en Amérique du Nord, c'est en Europe, c'est en Australie, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc il y a un programme, et dans ce programme de restructuration autoritaire de l'économie, il y a des pans entiers qui seront détruits. Et je crois qu'on le voit assez bien là sur le ciblage. Et c'est pour ça que les petits commerçants, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas, vous fermez mon commerce, mais par ailleurs, vous laissez ça ouvert. Oui, a priori, il n'y a pas de logique. Mais en réalité, quand vous connaissez les véritables intentions du système, en réalité, c'est très, très logique. C'est très logique. Ils veulent se débarrasser de ces gens-là. Mais ils ne le disent pas comme ça. Ça me paraît évident, quoi. Et je constate qu'il n'y a pas de... Il y a un mécontentement par rapport au premier confinement. Là, il y a quand même un mécontentement qui s'exprime. Il y a des velléités d'opposition. Elles sont encore timides, mais il y en a. Mais il y a aussi des gens qui adhèrent totalement au programme, quoi. Ça, c'est clair. Hein. On peut le mesurer. Hein. Les boomers, les premiers, ce sont les premiers à être ultra peureux, à avoir peur de la mort de manière tout à fait irraisonnée. Et qui sont extrêmement agressifs sur tout ce qui concerne la sécurité. C'est-à-dire c'est des gens que tu vas voir se balader dans des endroits où il n'y a personne, tu les vois à 50 mètres, ils ont leur masque dessus, tu vois, dans la nature. C'est guettant hein, d'avoir des gens comme ça. Oui, la première. Ce sont aussi les premières personnes à valider à peu près tout ce que pourrait pondre comme loi en fait, le gouvernement. Des gens qui sont totalement apeurés, acceptent tout et n'importe quoi. On nous parle déjà, de toute manière, d'une troisième et d'une quatrième vague. Alors, c'est pas Pierrot de DP qui balance l'info. Hein. C'est pas un truc complotiste, c'était sur Europe 1 ce mois-ci. Je ne connais pas une seule loi, là, qui ne pourrait pas être validée dès le lendemain. N'importe quelle loi, même absurde, serait validée. Comme ça, tout le monde signerait les yeux fermés parce que on vous sortait le climat, de temps en temps, on vous sortait l'excuse du terrorisme, maintenant, on vous sort l'histoire du virus. C'est bon, les gens, ils ont jeté l'éponge, en fait. Hein. Il n'y a même pas d'organisation structurée. Je veux dire, vous regardez l'attitude du Front National, enfin du Rassemblement National sur cette question. Je veux dire, c'est outrancier. C'est outrancier. On a des gens comme Jordan Bardella et de toute façon les hiérarques de ce parti, qui, quoi qu'on pense de lui, est le principal parti d'opposition, entre guillemets, celui qui fait les plus gros scores, compte tenu de leurs chiffres récents. Aux élections européennes, c'est des gens qui disent « Mais que n'a-t-on pas déclencher un confinement au mois d'août. C'est-à-dire que la seule position que ces gens-là parviennent à développer face à tout ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend pour en faire plus ? Macron est trop mou. Je veux dire, là, on a pas de force politique qui s'oppose réellement à ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer, je le dis, c'est un putsch. C'est un putsch global. C'est un putsch global. Ces gens-là sont en train de mettre en place le néo-soviétisme. Donc... Je note deux choses. Sur la question précise du Front National, pour ma part, j'ai l'impression que le Front National veut exister. Le Front National veut dire quelque chose, peu importe le contenu. Donc, ils veulent en faire plus royaliste que le roi, d'accord ? Parce qu'en fait, ils n'ont rien à dire, surtout en ce moment. Et sur la question de la qualité occidentale du putsch, moi, je la valide entièrement parce que je remarque qu'en Chine, par exemple, surtout dans la région de Wuhan en ce moment, les types, ils font la fête, quoi. Ils font la fête, ils sortent, il y a les restos, les bars, ils sont en boîte de nuit, enfin, il n'y a plus trop de problèmes, quoi. Ils ont toujours des réflexes de distanciation sociale, entre guillemets, mais l'économie vit, voilà. Ils ont tourné la page. En fait, quoi qu'il en soit, ce truc-là, cette fermeture des commerces et compagnie, pour moi, il ne fait aucun doute que ça va foirer totalement. Je prends le cas, vous avez développé là, le cas qui se passe en France. En Belgique, tenez-vous bien, au départ, c'était le cas encore hier, petite anecdote, je passe dans deux librairies, non pas pour me renseigner sur leur fermeture, mais pour acheter du tabac. Et la première librairie, j'avais lu dans un article de la presse que les librairies allaient fermer, donc comme en France en fait. Hein. Et je dis au bonhomme, vous croyez que vous allez rester fermé longtemps ? Et le type me répond, ah mais moi je ne ferme pas. Je dis, mais à lundi vous devez fermer. Non, mais je ne fermerai pas. Ok, très bien. Ça va. Je m'en vais. Comme il n'avait pas le tabac que je voulais, je passe dans une autre librairie. Et là, le type était avec sa femme occupée à vider les rayons des bouquins et des revues. Et bon, j'achète mon tabac et je lui pose la même question. Dites-moi, vous fermez lundi, si j'ai bien compris. Il me dit, ben, on n'a pas le choix. Bien sûr qu'on ferme lundi. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça va durer ? Non, aucune idée. Très bien. Et puis aujourd'hui, je vois, enfin, hier exactement, un article d'hier, sans doute très tard, lancé par l'agence Belga, qui donne la liste des magasins qui peuvent rester ouverts. Or, dedans, il y a les librairies, justement. Mais pas que. C'est une liste, c'est un truc de fou. Par exemple, les garages automobiles peuvent rester ouverts, les marchands de vélos aussi, à condition, dans les deux cas, de ne procéder qu'à des réparations ou à des entretiens. Donc, vous allez chez Ford, vous ne pouvez pas acheter la voiture, mais on peut faire l'entretien de votre voiture. C'est complètement débile. Et lorsqu'on lit l'article plus loin, on s'aperçoit que peuvent rester ouverts, par exemple, les magasins d'assortiment général de bricolage, les jardineries, les pépinières, les fleuristes et les magasins de plantes, etc., etc., même les magasins qui vendent du fil à tricoter et du fil à coudre, c'est idiot, mais c'est comme ça, ben les magasins de mercerie, il faut véritablement presque se faire un mémoire lorsque vous allez faire vos courses en Belgique pour savoir qui sera fermé, ce que vous pourrez acheter, ce que vous pourrez faire, ce que vous ne trouverez pas, etc. C'est assez extraordinaire. Et donc, je pense que en catastrophe, en moins d'un jour, les responsables sont passés d'un modèle, je dirais, basé sur le modèle français ou inspiré d'eux, et que brutalement, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait vraiment pas et que ça allait merder comme pas possible, et ils sont sérieusement revenus en arrière. Vous voyez des trucs comme ça en France, des velléités de résistance. Bon, moi, j'en vois ici ou là dans la presse uniquement, hein, J'ai vu un jouet club qui disait pourquoi je fermerais puisque telle grande surface est ouverte, ils vendent des jouets comme pas permis avant Noël en plus. Bon, ce type de tentative ou des magasins plus petits de taille plus restreinte. Oui, on en voit hein, les petits commerces et même les moyennes les moyennes surfaces hein, qui sont spécialisées, les jouets ou autres. Il y en a qui, je pense qu'ils vont tester. On va voir ce que ça dit pendant la semaine. Ah, moi j'ai vu des interventions de gendarmes. Hein. J'ai vu des gendarmes intervenir dans des magasins qui ouvraient, notamment ce jouet club là. D'accord. Bon, intéressant. Mais enfin, moi c'était plutôt ce que j'ai vu, c'était plutôt des commerces de vieilles villes, tu vois. Oui. Etc. Ça c'est terrible parce que les villes comme ça qui sont de 10 000 habitants, 15 000 habitants sont déjà pratiquement en train d'agoniser quoi. Bah, c'est que ces villes-là avaient déjà, ces commerces-là, ces petits commerces de centre-ville, de vieilles villes, hein, oui. Sont déjà concurrencés par les moyennes et grandes enseignes et l'Internet. Et là, bon, on leur dit non, vous fermez, allez vous faire enculer. Donc, c'est de la mise à mort. C'est hein. Des commerces très fragiles. Là, on les met à mort. Effectivement, c'est des mises à mort. Avec le préfet qui arrive derrière en te disant mais attention, tu n'auras pas l'obol hein, que te donne l'État si tu ne marches pas droit. C'est intéressant quoi, comme système. Oui, puis un auditeur nous avait dit la semaine dernière que ou il y a 15 jours. Il fallait faire des montagnes de paperasse pour toucher 1600 euros par rapport à des chiffres d'affaires qu'on sait. Enfin, c'était du foutage de gueule intégral quoi. Par rapport à ce système-là, ce que tu disais, Alexis, sur la planification, moi, ce que j'ai noté par rapport à ce deuxième confinement, c'est la journaliste, c'est celle qui présente l'Antillaise, Christine Kelly. Ouais. Elle avait sorti une information sur Twitter il y a une quinzaine de jours disant... Ah tiens, c'est bizarre, il y a des mails qui circulent dans les grandes entreprises, comme quoi on allait reconfiner d'ici peu de temps. Et on ne nous disait pas il y a 15 jours, on ne parlait pas de reconfinement. Et elle a laissé le truc, elle n'a pas dit qui c'était d'ailleurs, elle a dit bon ben oui, j'avais raison. Mais visiblement, ce confinement-là qui est arrivé cette semaine comme cheveux sur la soupe, si on en croit en tout cas les fuites qu'avait laissé passer le gouvernement, enfin les fuites organisées, hein, depuis le début de semaine, ça commençait à l'évoquer. Et visiblement, il y en a qui étaient au courant un petit peu avant hein, de ces mesures-là. Alors, n'empêche que ce nouveau confinement est extraordinaire, puisque les gens peuvent bosser, mais ils ne peuvent pas avoir de vie en dehors de leur travail. Ça, c'est le rêve de tout financier juif hein, qui se respecte. Hein. C'est-à-dire que les goïms vont travailler, ils payent leurs impôts, et tout ce qu'ils gagnent est récupéré par la banque juive. Les juifs en ont rêvé, Macron, le stagiaire de chez Rothschild, l'a fait. Voilà, moi j'invite quand même à méditer là-dessus. Ce deuxième confinement est quand même sensiblement différent du premier sur ce point-là. Hein, donc le bétail doit quand même travailler, hein. C'est tout à fait clair. Le bétail se fera vacciner, et bon alors évidemment on va pas repartir sur toutes les histoires de vaccins, je vais pas faire le procès de nouveau des vaccins, mais si bon, tout petit rappel, c'est que donc il y a de l'aluminium, du formol et puis donc du thimérosal, une forme de mercure dans beaucoup de vaccins, et on aurait dans celui-là qu'on appelle apparemment, ce serait le Shadox-Cov1, bon. Et qui serait alors bon, il y a aussi Bill Gates et Gavi donc qui ont déposé un brevet le 26 mars dernier sur l'implémentation de nanoparticules dans le corps. Donc ils ont reçu un brevet WO060606, vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Quelque chose avec des nanoparticules, donc vous auriez des nanoparticules dans le corps, ce qui fait qu'à distance, en passant sous un portique ou par le biais de quelqu'un qui aurait un smartphone qui pourrait vous contrôler, vous seriez identifiable, on pourrait savoir si vous avez reçu tel ou tel vaccin. Et puis il y a aussi des conséquences sur le corps que l'on ne maîtrise pas encore sur le long terme, et on pourrait peut-être, je sais pas, influencer, mettons, par un biais ou un autre, par les ondes, via ces nanoparticules. Donc c'est pourrait partir loin dans... Mais c'est même pas là du complotisme, hein. C'est tout le numéro de brevet, la date, etc. Sachant que c'est quelque chose qui se met, qui... enfin, un brevet, ça se demande dans ce cadre-là, je crois, 18 mois à l'avance. Donc il est arrivé comme ça, 15 jours pile poil, juste après l'officialisation de la pandémie mondiale de l'OMS, dont on sait qu'elle est guidée très largement et financée par ce monsieur Bill Gates. Oui, puis Zuckerberg, qui maintenant est associé, est associé à Bill Gates sur le, le vaccin. Ils se sont oui. Ils se sont alliés. Quand vous tapez dans Google effets secondaires des vaccins, vous n'avez pas de résultat. Il n'y a absolument rien. Alors qu'en réalité, il y a 1000 études, 500 livres. Alors peut-être que ces livres pourraient être interdits aussi, qui disent que bah les vaccins, dans certains cas, dans le cas de la sclérose en plaques, le cas du vaccin contre la grippe, Montagnier, prix Nobel quand même, a dit que c'était une des principales causes de la maladie d'Alzheimer à cause de l'aluminium qu'il y a dedans. Donc on va peut-être pas donner la possibilité aux gens d'avoir un esprit critique, parce que vu qu'ils sont paniqués, ils verront dans nos ils voient dans nos gouvernants leurs bergers, pour beaucoup. Et puis après, le Graal, ce serait ça, ce serait ce vaccin qui permettrait de retrouver la vie normale. Vous retirez votre masque, vous pouvez retourner dans la forêt, vous gambader, mais à condition de vous faire piquer. Je trouve que le deal, je l'ai vu arriver il y a longtemps, je pense qu'il est c'est en train de se concrétiser. Bah moi, je fais observer que YouTube a commencé par censurer les questions relatives aux chambres à gaz homicide d'Adolf Hitler, pour ensuite interdire aux gens de parler du Covid. Donc, visiblement, il y a des sujets interdits. Facebook vient d'annoncer aussi que les contenus remettant en cause la thèse officielle sur ce concept un peu bizarre d'Holocauste était désormais banni de la plateforme de Facebook mondial. Bon, et il en va de même aussi pour tout ce qui pourrait contester le bien fondé des théories relatives donc à ce Covid-19 et à toutes les alertes qui passent là-dessus, les promesses de fin du monde, etc. Et je présume que le réchauffement climatique ne va plus trop tarder. Je pense qu'on va bientôt arriver à un stade, je ne sais pas si on n'est pas déjà là-dessus, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, mais je pense qu'il sera bientôt interdit de nier l'origine humaine de ce qui est présenté comme le réchauffement climatique. Je pense que ça sera interdit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, les contenus seront retirés... peut-être même en attendant des poursuites, hein, mais il y a toute une série de sujets qu'on ne peut plus aborder. Donc il n'y a pas que l'aspect purement, il n'y a pas que ces oligarques qui sont impliqués dans Big Pharma, on a aussi la Silicon Valley et tous ces géants du digital qui se livrent à une guerre véritablement de désinformation. Non, mais de toute manière, le truc, c'est qu'on, avec les vaccins, normalement, c'est testé sur plusieurs années, puisque on regarde s'il n'y a pas 3 ou 4 ans ou 5 ans après une recrudescence de certaines maladies, certains syndromes qui viennent et qu'on ne voit pas au départ. Donc, quoi qu'il en soit, s'il sortait un vaccin l'année prochaine, ça serait jouer la roulette russe, hein, pour le coup. Tu sais pas s'il va t'arriver un truc après, que ce soit un vaccin russe, un vaccin américain, un vaccin chinois, peu importe. Tu n'as pas envie de te faire vacciner? Ah non, je certainement pas, je suis jamais malade. J'ai eu des gens qui ont eu la maladie récemment. Ils ont eu la fièvre, des gens âgés, c'est le quatrième âge. Hein. C'est pas des gens en bonne santé, les sportifs et tout. C'était un jour de fièvre, quoi. Donc, un jour de fièvre, positif pendant 3 semaines, et puis après c'est passé, mais voilà, rien, quoi. Bon, je vais pas risquer de me faire injecter avec un truc qui, dans 5 ans, va me faire une sclérose en plaques ou je sais pas quoi, dégénérescence nerveuse, maladie auto-immune, c'est très rigolo, hein, ces trucs-là. Je sais pas, quand tu t'injectes des trucs comme ça, ça peut être très marrant. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 41. Alors messieurs, discutons un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine en France, à Nice plus particulièrement, puisque c'est la suite d'une séquence très agitée, qui met en scène d'un côté le gouvernement français, certaines élites françaises, certains médias français et le monde musulman dans son intégralité. Et ça, c'est quand même le fait saillant. Trois personnes assassinées dans la basilique de Nice. Est-ce que vous pourriez revenir pour nos auditeurs sur ce qui s'est passé, qu'il s'agisse de l'identité des victimes, de l'identité de l'assassin, du procédé utilisé? Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose là-dessus? Les types choisissent comme outil en fait principal le couteau. Donc en fait, c'est des gens qui sont censés dans une entreprise de terreur, donc de maximiser les victimes, qui choisissent le couteau. Bah, c'est, en fait, tout ça quand même a une cohérence, c'est qu'on a affaire quand même à des bougnoles, quoi. Donc le type, il réfléchit pas trop, il a un couteau, machin, il y va. Et c'est aussi très cohérent par rapport, on va dire, à l'étincelle qui a permis de déclencher cette flamme. Et habituez-vous à ça, le type ne fait pas partie d'une organisation terroriste ou criminelle revendiquée. C'est-à-dire, c'est un musulman qui, en France, comme il y en a des millions, et à un moment donné, il en a marre parce que le prophète, l'islam, ce que vous voulez, peu importe. Et donc, il n'y a pas d'appel particulier. Il décide de lui-même de tuer des gens. Et ça, c'est un caractère dangereux, beaucoup plus dangereux que le caractère officiel de l'État islamique. Donc, on avait dit dans l'émission la semaine dernière, maintenant, vous avez une réplique de l'État islamique en France. Ces gens n'ont plus besoin de contact, n'ont plus besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'armes, d'ailleurs, apparemment. Donc, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, ça. Quand vous vous dites, justement, d'ailleurs, les médias, ils disent, oui, vous savez, pourtant, c'est bizarre, c'était quand même un individu... assez discret, il était gentil, il m'aidait à sortir les poubelles, que sais-je. Oui, mais en fait, moi, je retourne l'argument. C'est pour vous dire, finalement, même le musulman qui vous sourit le matin, faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Un jour, il pourrait devenir fou. Oui, tout à fait. Alors, l'histoire du couteau, non, ça n'a rien de vraiment surprenant. Quand on est familier de l'islam, il faut savoir que j'ai déjà dit ça dans l'émission à plusieurs reprises. Mais c'est toujours bien d'insister pour que les gens l'intègrent, s'en rappellent. Il y a un rite de passage, on parlait de rite initiatique, alors les rites islamiques sont sensiblement différents des nôtres. Il y a le rite de l'égorgement du mouton que les musulmans font faire aux très jeunes garçons. Pendant une courte période, en fait, ils demandent aux jeunes musulmans de devenir amis avec le mouton. Évidemment, le jeune musulman ne sait pas ce qui va se passer, hein. Donc il devient ami, il joue avec, etc. Puis ensuite, on lui dit, voilà, maintenant il faut l'égorger. Et on lui dit, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ça laisse une trace psychologique indélébile, hein, ce qu'on appelle en anglais PTSD, hein, syndrome post-traumatique, qui n'est pas nécessairement vécu comme ça par le musulman, mais qui pourtant est très réel. Et chez le musulman, du coup, le couteau, la lame, l'égorgement est un schéma qui revient très fréquemment et qui trouve son origine dans ce rite initiatique. Évidemment, les musulmans et par extension les sémites ne font jamais rien par hasard dans ce genre de domaine. Donc en fait, on apprend déjà au plus jeune âge aux jeunes musulmans à égorger l'infidèle. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça marche. Donc la méthode employée n'est pas du tout surprenante, mais je note qu'elle se systématise. C'est-à-dire qu'on s'approche de quelque chose où là, parce que jusqu'à présent, c'était des coups de couteau, c'est-à-dire comme un roman sur Isère. Là, il y avait deux Français, que tout le monde a oublié d'ailleurs, deux Français qui sont morts sous les coups de couteau d'un islamiste soudanais, un migrant fraîchement arrivé, mais il ne les a pas décapités, il les a simplement poignardés et tués ainsi. Là, on voit, il y avait le père Hamel avait quand même donné le ton, je suis d'accord, mais on voit que là, clairement, il y a un lien qui s'opère, hein, maintenant, entre blasphème, décapitation. La décapitation de Samuel Paty, sa médiatisation, l'écho qu'il y a eu au niveau international, n'a pas été perdu de vue par nos amis musulmans. Hein. Ils ont bien compris que ça démultipliait en fait l'impact, de par la puissance de suggestion qu'a le fait de décapiter une victime plutôt que de ne que la tuer par coup de couteau. Oui, enfin, le couteau et la décapitation, au niveau symbolique, est bien plus efficace que l'attaque par arme à feu. Enfin, à part dans des attaques massives du style Bataclan, où il faut un commando être plusieurs, un type seul, c'est, enfin, il va tuer des gens, mais on va dire, oui, c'est il y aura pas la même portée. C'est d'autant... Tu disais, Pierrot, c'est un type comme ça, il peut prendre le couteau, c'est pas réfléchi, oui et non. L'attaque comme ça, au couteau ou foncé dans des gens avec des voitures béliers, c'est préconisé par l'État islamique et Al-Qaïda. C'est terrorisé comme style d'attaque. Et là, évidemment, oui, le coup de la décapitation a des symboles. Donc le premier, c'était l'enseignant qui fait des caricatures. Après, on s'en prend aux Français, aux croisés, hein, dans les églises. Et oui, là, c'est important d'insister sur ce point. C'est un symbole. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre le blasphème allégué de la presse, enfin de journaux comme Charlie Hebdo, ou les propos de Macron, et des fidèles catholiques. On est bien d'accord qu'au point où on était dans cette séquence, à aucun moment l'Église catholique n'a cru devoir dire qu'elle était pour le droit au blasphème ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, à aucun moment les musulmans peuvent se plaindre, je veux dire, de l'action des catholiques. Bien au contraire, puisque la papauté sous la direction de Bergoglio en fait milite pour l'arrivée de plus en plus massive de migrants musulmans, notamment par Lampedusa. Enfin, je veux dire, pour le coup... On voit bien que cette attaque traduit quelque chose de la part des musulmans qui dépasse le strict cadre de cette histoire de caricature. Oui, pour eux, ils sont en guerre avec la France, peut-être l'Occident, en tout cas là, souvent c'est la France en particulier. Bon, on en parlera peut-être plus tard après, enfin plus tard, hein, mais... comment la chose est perçue dans le monde musulman, mais les cibles qui sont choisies, c'est ça. D'ailleurs, il y a une représentation cette semaine qui a fait marrer pas mal de monde, de Macron en espèce de démon qui ressemble à un personnage de Dragon Ball Z, encore une fois. Oui, j'ai vu ça, oui. Je crois que c'est un journal iranien qui a publié ça. Un journal iranien. Oui. Et il a mis Macron en tête de diable, et outre la tête de diable, au niveau de la cravate, il a des fleurs de lys. Voilà, c'est, ah tiens, je... Macron. Ah d'accord. Ah, oui. Moi j'aurais mis des étoiles de David, mais c'était personnel, vous voyez, c'était... Oui, pareil, ou le petit signe Rothschild, par exemple. Hein. Voilà, nos amis musulmans manquent de perspicacité dans tout ça, oui. Oui. Dans leur tête, c'est pareil, c'est-à-dire la France... Notre-Dame de Paris qui a brûlé d'ailleurs, hein, donc il voit que le truc, il voit que c'est un petit peu à terre, donc ils sont dans le corps là, c'est-à-dire que ces gens... Oui, les croisés, quoi, c'est... Ouais, mais les croisés, ils voient que c'est un petit peu la merde, que le pays part en couille, hein, ils ont bien conscience, puisque c'est un pays qui les accueille, alors qu'ils sont objectivement des déchets humains, hein, des déchets biologiques. Et ça, ils méprisent. Hein, ils méprisent tout ce qui est faiblesse comme ça. À raison. Et le fait que quelqu'un qui méprise, une entité qui méprise comme la France, se permette de caricaturer le prophète, ça justifie la guerre totale. Et la guerre totale, nous avons. Hein, le fait que ça s'attaque, donc bon, le prof qui d'abord était... était de cette gauche laïciste qui veut faire des petits républicains en montrant des caricatures, enfin bon, la liberté d'expression, etc. Bon, hein, c'est un concept que le Bouloul ne peut pas comprendre. Hein. Lui, il est dans mon prophète, mon Coran, etc. Bah, oui, le petit Bouloul, c'est le 7e siècle dans sa tête, donc. Voilà, voilà. Donc il prend ça et Après, Macron il dit oui, bah oui, il faut pas tuer les gens. Ah bon, il faut pas tuer les gens. Ok, on va vous tuer. Simplement. Alors, est-ce que, là, c'est une question. Hein, j'ai mon opinion là-dessus, mais enfin, en tout cas, un pressenti là-dessus. Mais est-ce que vous avez un, est-ce que, comparons, je veux dire, les réactions à la mort de Samuel Paty, professeur, et les réactions en France, hein, je dis, suite à la mort de ces trois victimes dans la basilique de Nice. Avez-vous le sentiment, de la part des autorités, des élites en place, des médias, des corps constitués, avez-vous le sentiment que les réactions sont les mêmes, en intensité ou sur le fond? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont plus fortes dans le cadre de cette exécution récente là à Nice? Est-ce que vous avez l'impression que c'était plus fort pour Samuel Paty? Est-ce que vous sentez une différence? C'est encore frais, donc on ne peut pas trop dire, mais quand même, on sent que c'est moins. Enfin, la République est moins concernée que lorsqu'il s'agissait de faire une cérémonie à la Sorbonne en grande pompe avec YouTube en intro. Bon, c'est assez spécial comme truc. Mais bon. Après, est-ce que c'est normal ou est-ce que est-ce qu'il faut y voir à redire là-dessus? Vu qu'on est déjà dans un. Enfin, que la première décapitation a quand même bien chauffé tout le monde, le fait qu'il y ait une deuxième qui arrive, peut-être que ça a moins d'impact symbolique sur les gens. Hein. Bon, on a vu ce que ça avait été, les séries d'attentats, il y a 5-6 ans, hein, c'était, il y en avait un petit peu tout le temps, au fur et à mesure, on se lassait. Quoi. Oui, là, ce qui redonne la vigueur, hein, c'est le procédé. Hein, le fait de décapiter, ça renforce considérablement l'impact psychologique. Personne d'autre, vous n'avez pas le sentiment d'une différence de traitement de... Non, pas spécialement. Vous trouvez que c'est... Moi, j'avais le sentiment que, comme tu l'as bien dit, hein, que les autorités, les médias, bon, ont réagi, hein, ils ont dit, voilà, merde, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mais que ça leur semblait extérieur. Et je note, permettez-moi quand même de le dire aussi, parce que j'observe un petit peu la réaction, si vous voulez, de, on va dire, des gardiens de la Révolution française. Vous savez, vous allez gardien de la Révolution en Iran, les passes d'Aran. Bon, en France, on a aussi nos gardiens de la Révolution. Donc, ce sont les Caroline Fourest, enfin, les Manuel Valls, enfin, tous ceux qui s'autoproclament protecteurs du dogme, hein, républicain, laïque, jacobin. Et je suis un petit peu à leur réaction. Et tout spécialement de quelqu'un comme Caroline Fourest, qui est très intéressante, parce qu'elle se situe, si vous voulez, à l'intersection de plusieurs réseaux, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, réseau féministe, réseau LGBT, et réseau juif, hein, c'est une proche de Bernard-Henri Lévy, donc, c'est-à-dire la gauche sioniste, si vous voulez, la gauche juive. Et donc c'est quelqu'un qui, justement, incarne très bien cette gardienne du dogme-là, républicain, tout ce que ça suppose. Et j'ai été très frappé de voir qu'elle a dit une chose très intéressante, ah, « Oui, mais ces gens ne nous attaquent pas, donc ces gens, les islamistes, hein, ne nous attaquent pas... pour ce que nous caricaturons, machin, ils nous attaquent pour ce que nous sommes. Sous-entendu, voilà, ils ont attaqué des catholiques parce qu'ils sont catholiques et pas pour autre chose. Bon, ce qui est un fait, hein, je veux dire, effectivement, ils attaquent d'un bloc et ils ne font pas tellement de distinction. Mais ça m'a vraiment intéressé parce que Caroline Fourest, en fait, est une obsédée de l'anticatholicisme. C'est-à-dire que pour eux, pour les gens comme elle, donc qui est une lesbienne militante, hein, la haine de l'Église catholique, et dans l'ADN, c'est constitutif de leur identité collective, notamment au plan politique. Le militantisme contre l'Église catholique, contre son enseignement moral, etc. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui ça n'a pas changé, on en a parlé avec Bergoglio la semaine dernière, tout ça est en train d'avancer très vite. Mais enfin, on sent, si vous voulez, que pour que Caroline Fourest consente à se sentir concernée par l'exécution de catholiques, la menace pèse aussi sur elle. Vous voyez, il y a une espèce de volonté de paix des braves face à une menace plus pressante en quelque sorte. Mais ça, c'est Caroline Fourest. Mais ça m'a, j'ai trouvé ça quand même intéressant. De la même façon, le Grand Orient de France. Grand Orient de France, ça, parce que moi, ça me fait marrer, je vous le dis en toute sincérité. Le Grand Orient de France est la matrice des décapitations de catholiques en France. Enfin, je veux dire, c'est le Grand Orient qui a été à la base de la grande terreur en 93-94, qui passait à la guillotine des prêtres qui refusaient le serment de fidélité à la République, etc. Donc, je trouve ça très drôle de les voir s'indigner que l'on décapite des catholiques. Vous voyez, si vous voulez, rétrospectivement, je trouve ça assez frappant. D'accord, et ils ont fait un communiqué en disant que c'était terrible, etc. Bon, je me dis, visiblement, ils ont perdu beaucoup d'allant vis-à-vis de leur propre conception. En revanche, il y a une organisation que j'ai suivie de près, qui est SOS Homophobie, donc une des organisations militantes les plus radicales en faveur de l'impérialisme homo-sidaïque, n'est-ce pas ? Et SOS Homophobie est une organisation totalement reconnue par les pouvoirs publics et tout ce qui s'ensuit. Alors, eux n'ont rien commenté. C'est-à-dire qu'ils commentaient surtout des trucs complètement débiles. Enfin, tout et rien. Hein. Ils ont commenté sur Samuel Paty, bien sûr. Hein. Alors, par contre, sur l'histoire des catholiques... Alors, silence radio. Donc là, on sent la haine, vous voyez, des anus dilatés pour l'Église catholique, mais qui est... c'est impossible, ils ne peuvent pas. C'est trop leur demander, vous voyez. Bon. Donc, j'ai trouvé cette... dans l'ordre des réactions en France, j'ai trouvé ce rapprochement assez marquant. Et puisque j'en suis à commenter les rapprochements surprenants, enfin, pas si surprenants quand on analyse un petit peu à froid, c'est Damien Rieu qui maintenant retweet du Alain Jakubowicz. Alors ça, c'est pas mal non plus. Donc Alain Jakubowicz, c'est quand même l'ancien patron de la LICRA qui poursuit, si vous voulez, même les identitaires hein, en justice, pour s'opposer à l'immigration, notamment islamique, qui a remis un prix à Cédric Herrou pour son travail d'aide à l'infiltration du territoire français par des migrants musulmans. Alors maintenant, on en arrive là, c'est Damien Rieu, parce que je sais pas quoi, Jakubowicz, ça a parlé de la liberté de conscience, ou je ne sais quoi, encore une platitude. Et Damien Rieu était très enthousiaste par rapport à ça. Donc c'est quand même intéressant de voir la voix autorisée, en tout cas officieuse des identitaires, retweetée du Jakubowicz, et retweetée du Caroline Fourest. Donc les identitaires, en fait, sont devenus l'aile de droite de Charlie Hebdo. Donc, en fait, ils rejoignent en quelque sorte, si vous voulez, le pôle républicain radicalisé autour des Valls, autour des Bernard et Lévy, autour des Richard Malka, des Fourest, etc. Le printemps républicain. Le printemps républicain, organisation qui s'appelle le printemps républicain aussi, oui. Donc, des gens comme l'ancien patron de la DILCRA, comme Clavreul, qui dénoncent maintenant avec beaucoup de virulence la gauche racialiste et l'islam politique, dit-il. Et Clavreul, je le vois, parce que je suis les gens, ce qu'ils like, ce qu'ils retweetent, etc. Maintenant, je découvre hein, que Clavreul, maintenant, apprécie Valeurs Actuelles. Donc, nous avons là des gens, si vous voulez, qui commencent à avoir très très peur, n'est-ce pas ? Très très très peur, hein. ils ont très peur. Et comme Clavreul est quand même un préfet de son statut, ces gens-là ont accès à des informations beaucoup plus précises que nous, hein, qui sont communiquées par des agences gouvernementales, ou rencontrent des gens qui travaillent au ministère de l'Intérieur, ont l'occasion de parler de ces questions. Pour que ces gens se sentent à ce point menacés, c'est qu'ils ont quand même toute une série d'informations très précises sur la nature du danger. Hein, voilà. Alors je tenais quand même à le souligner, je veux quand même à dire, voilà, maintenant, les anciennes familles politiques qui s'étaient forgées sur l'ancienne guerre civile française, qui était grosso modo l'ancien régime et les catholiques contre la République et les non-catholiques, cette guerre civile-là, elle est en train d'être soldée, et il y a une nouvelle guerre civile qui est en place, qui est en fait le tiers-monde plus l'islam, d'une part, les blancs de l'autre, et ces mecs-là au milieu, qui prétendent combattre les deux. Ouais. Mais qui veulent bien, c'est ce que je voulais dire, accepter dans leur jupon des gens comme les journalistes de Valeurs Actuelles, des Charlotte Dornelas sur les plateaux de télévision, des Eugénie Bastier avec des Julien Drey, ça donne des rapprochements assez intéressants, parce qu'elles ont explicitement reconnu la tutelle de la race juive sur la France. C'est pour ça qu'elles ont, c'est pour ça qu'ils sont tolérés. Donc il y a là des choses qui se produisent et qui, moi, j'estime, sont pour le moins intéressantes à relever. Petite aussi un petit complément, l'Égyptien du Rassemblement National, Messia, a dit que était un des premiers, ça m'a frappé, juste après l'attentat concernant Samuel Paty, sa décapitation, à avoir dit qu'il fallait, bon, pour défendre la République, la France, etc., republier ces, qu'on appelle caricatures, enfin des dessins, en tout cas, oui, assez vulgaire, ordurier en règle générale, mais qu'il fallait rediffuser ça dans les écoles, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le premier de l'espace politique à l'avoir dit, comme si donc Macron avait obéi finalement à Messia. J'ai regardé ensuite le Twitter de Messia un ou deux jours plus tard, ou peut-être au moment de Nice, il a dit, il a retweeté Tsahal, un soutien au peuple français. Donc, bon. Oui, c'est ça. C'est mais c'est toute cette escroquerie qui est dont j'ai parlé, parce que j'ai parlé du retournement de la juiverie algérienne que l'on connaît très bien la semaine dernière dans l'émission. C'est pas la peine d'y revenir. Mais Messia, donc Ossam Messia, égyptien d'origine, a retweeté un post de Tsahal, donc qui est une donc de l'armée israélienne, en soutien donc à la France. Donc il n'a pas pris, je sais pas moi, le tweet de l'ambassadeur d'Israël en poste à Paris. Je veux dire, il a été à la maison mère directement, et ça rentre totalement en résonance avec la nouvelle composition des plateaux de télévision, où on voit des Julien Drey qui, pendant 40 ans d'activité politique, et encore jusqu'au mois de septembre, c'est ça qui est très intéressant, j'ai découvert qu'au mois de septembre, sur le plateau de CNews, Julien Drey niait encore le lien entre immigration et islamisme. D'accord ? Ah tiens. Oui, vous pouvez le retrouver ça, hein. Vous pouvez chercher sur ses interventions, il faisait semblant de se... Oui, et là, ça a changé. Oui, c'est plus pareil. La semaine dernière, il disait, oui, moi je serais pour des quotas d'immigration, ça va, bon, c'est assez nouveau, nous on a gauche, on n'est pas pour une immigration incontrôlée, etc. Bon, déjà pour première nouvelle. Et là cette semaine, donc il a ressorti ce truc-là de quotas d'immigration. Il a dit, oui, écoutez, la première année, on pourrait mettre des quotas à zéro pour voir ce qui se passe, parce que on est en situation d'urgence. Donc tu as le juif Drey, SOS racisme, un type absolument détestable. Hein, qui a été de tous les mauvais coups, qui te dit sans rougir que immigration zéro. Immigration zéro pendant un an, et puis après on voit si on laisse comme ça ou pas. Mais là c'est très intéressant, parce que bon, Julien Drey, hein, c'est effectivement, il a, avec Jacques Attali qui était à l'époque à l'Élysée aux côtés de Mitterrand, a mis en place la structuration en fait politique des banlieues maghrébines, avec cette structure qu'on a appelée SOS Racisme, et qui à l'origine était extrêmement populaire, parce que les plus jeunes aujourd'hui qui sont nés, je sais pas, en 2000 voire même après, ne connaissent pas ça. Mais au milieu des années 80, l'association SOS Racisme avait un soutien considérable parmi les Maghrébins. Considérable, hein, vraiment massif. Et en plus des stars du showbiz. Donc c'était une opération politique du Parti Socialiste, de Mitterrand, enfin que les Juifs ont proposé à Mitterrand, donc les Attali, les Bernard-Henri Lévy, les Marek Alter, les Julien Drey, et qui l'ont structuré. Il s'agissait d'utiliser les Maghrébins pour en faire une véritable force de frappe dans l'espace public, faire des grands rassemblements, etc., et bloquer le Front National. Bien. Alors, ils ont fait ça pendant 40 ans, Julien Drey en tête. Il en a fait même une carrière, il s'est payé de très belles montres, comme ça. Oui, il aime bien les montres de luxe, Julien Drey. Ouais, c'est un homme de gauche. C'est un homme de gauche. Alors, même Désir aussi, qui est devenu ensuite sous Hollande ministre, secrétaire de je ne sais plus quoi, pays grassement à rien faire, qui était un des têtes de gondole, en tête de gondole aussi pour SOS Racisme. Tout à fait, Harlem Désir. Qui était là sûrement d'ailleurs sur recommandation de Julien Drey, qui était dans l'ombre de Hollande. Il y a une série, je ne sais pas si vous avez vu, où c'était le Baron Noir. Et en gros, ça reprenait un petit peu le rôle de Drey, qui faisait pas mal de, qui s'occupait pas mal des affaires un petit peu louches pour Hollande, notamment dans ce qui était les gestions diplomatiques avec des pays arabes. Mais c'est pas du tout surprenant. Mais comment dire ? Donc on a ce Drey là qui a structuré avec Bernard-Henri Lévy et Attali l'agitation raciale en France contre les Blancs, qui a semé les graines dans les communautés maghrébines et musulmanes, les graines de la haine anti-française, qui maintenant arrive sur un plateau de télévision, la bouche en cœur, hein, mais du jour au lendemain, en vous disant immigration zéro, c'est une évidence. Et vous attendez encore quelques semaines, il vous dira, je l'ai toujours dit. Ça, c'est les juifs, ça. Et nos auditeurs doivent comprendre cette psychologie tout à fait particulière des juifs. Les juifs n'ont pas de loyauté. Mais ils n'ont pas de loyauté vis-à-vis des blancs, mais ils n'ont pas de loyauté vis-à-vis des maghrébins, vis-à-vis des miens, ni vis-à-vis de personne. C'est des gens qui, du jour au lendemain, si, après une analyse de leur situation, estiment que c'est dans leur intérêt racial de se retournent sans aucun scrupule. Ces gens n'ont aucune espèce de scrupule, aucune. Et ça, c'est vrai que je comprends que pour des Français, soit un peu déstabilisant, parce que beaucoup de Français ne savent même pas ce que c'est que les Juifs, en réalité. Hein. Ils pensent à des rabbins, ils ne savent pas ce que c'est concrètement, qui sont ces gens. Et ce que fait Drey est en fait désespérément commun dans l'histoire juive. Hein. Les Juifs ont toujours fait ça. Mais là, c'est spectaculaire. Et évidemment, il se sent concerné au premier chef. Je précise d'ailleurs que la famille de... Il a des membres de sa famille qui vivent en Israël, comme Golnadel. Donc sur les plateaux de télévision, vous avez, si vous voulez, Golnadel qui fait semblant de s'opposer à Julien Drey sur tel ou tel point de détail, mais les deux sont d'accord, hein, je veux dire, leur famille respective est en Israël, ils font probablement les fêtes religieuses ensemble. Donc, attention à ces manipulations, et on voit qui a le droit de passer sur les plateaux maintenant. Maintenant, Drey, vous voyez, il discute avec Dornelas, il discute avec Bastier. C'est pas le fruit du hasard non plus, ça. Je veux dire, ces filles-là ne sont pas choisies au pif, d'accord ? Il faut... Des femmes, déjà, c'est très important, les femmes, parce qu'on sait que c'est faible, généralement, au plan intellectuel et psychologique. Alors, des femmes un peu de droite pour, voilà, pour ramener un petit peu les Gaulois vers la communauté de lumière, voilà. Et puis, qui est un petit verbiage un petit peu autoritaire, mais pas trop, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme, c'est le juif. Puis la speakerine... Et les aussi, hein. Et oui, voilà, voilà. Mais des femmes étiquetées de droite, ouais. Qui vont qu'on met en face du gros youpin roublard pour qu'elles se fassent amadouer et puis que par la même public se fasse amadouer. Là, si tu vas prendre les gens qui écoutent CNews, ils vont te dire mais je viendrai, mais oui, c'est un type de gauche, mais il est formidable. C'est un vrai républicain. C'est un vrai républicain avec des valeurs. Il a compris beaucoup de choses, etc. Il y a une synthèse. C'est-à-dire que les émissions, ça, en plus, ça s'appelle les duels. Tu vois, duel Eugénie Bastier, Julien Drey. Bon, ben, duel, quand tout le monde est d'accord, c'est pas vraiment un duel. Quoi. Oui, on mise sur l'absence de mémoire des gens, mais il y a aussi les années 80, SOS Racisme, donc il y avait, oui, c'était pour contrer le Front National, il y avait eu l'histoire de Carpentras, donc l'histoire d'un juif mort dans un cimetière depuis longtemps, qui avait été déterré, mais en réalité c'était une sombre histoire de réseau de services secrets, et le lendemain de cette profanation, comme on dit, donc il y avait SOS Racine, précisément Mitterrand et tout ça, comme si tout était déjà orchestré à l'avance. Enfin, si vous écoutez l'émission de Jean-Marie Le Pen de l'époque, Ils sont restés notamment sur Radio Courtoisie, il faudra retrouver les dates, et ils donnaient énormément d'infos, et puis c'était très clairement un complot d'État. Bon, il y a eu plein de trucs, donc SOS Racisme, effectivement, on fait venir des immigrés, puis après on leur explique que les Français sont des connards, et qu'ils doivent exprimer leurs racines, leurs je sais pas quoi. Il y a une connexion aussi avec le rap, hein, Jack Lang soutenait le rap, NTM et tout ça, enfin des trucs, c'était cette période déjà, hein. Et le rap aujourd'hui n'est pas devenu moins virulent, il est tout aussi anti-français, tout aussi vulgaire d'ailleurs, et on ne le combat pas particulièrement, je crois pas. Et d'ailleurs les lois mémorielles qui ont été pondues en France, ont été pondues en fait après l'histoire de Carpentras, en fait dans la foulée, et finalement quand il y a eu tout le débat pour savoir, les Français étaient quand même inquiets. Attendez, on a quand même le droit de parler d'histoire en France, la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis un petit moment, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout était concentré autour de l'histoire de Carpentras. Donc les Français ont été roulés dans la farine par les Juifs une fois, et puis c'est passé, quoi. Voilà. C'est là que les attaques des musulmans contre cette église, en fait, d'une certaine façon, produisent leur effet psychologique. Mais tombent à plat, d'une certaine façon. Parce que c'est là qu'on voit que les musulmans, tu sais, ils ont une... Effectivement, ils sont encore dans le truc, on va combattre les croisés, etc. Enfin, pour eux, c'est une chose à peu près... Il n'y a aucune espèce d'analyse fine de la situation. Voilà, on va tuer des chrétiens, c'est un bon moyen de se venger, mais ils ne comprennent pas quelles forces sont en jeu. C'est-à-dire, ils pensent, si vous voulez, et ça me marque, ils pensent que les chrétiens contrôlent encore l'Europe. D'accord ? Donc ils se disent, ouais, voilà, on va tuer des chrétiens, c'est normal, ils vont comprendre le message. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en termes strictement religieux. Ils disent, on est religieux, on va attaquer leurs religieux, et ils vont comprendre le message. Mais ça tombe complètement à plat, puisque la France est totalement sécularisée, c'est-à-dire qu'elle est totalement déchristianisée, sauf dans quelques marges. Les gens, bien sûr, sont choqués, mais ils sont choqués comme ils l'auraient été choqués si quelqu'un avait été décapité, je veux dire, dans un PMU. Je veux dire. Alors là, il y a une connotation plus marquée au plan historique, si on veut, ça. Les gens se disent quand même, dans une église, un lieu de recueillement, c'est quand même extrêmement choquant, bien sûr. Oui, la ville de Nice aussi, hein, pour le coup, c'est la ville de Nice où il y a déjà eu... Oui, il y a déjà eu l'attentat, ouais. Qui avait tué 88 morts. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, mais ça tombe un peu à plat. Parce que les vrais maîtres de la France ne sont pas du tout les chrétiens. Et là, les musulmans n'ont clairement pas saisi ce qui se passe. Alors, ils vont peut-être continuer à viser des églises. En se disant, voilà, là, ils vont s'en... Mais en fait, non, parce que les gens ne sont plus chrétiens. Et puis ce terroriste est un peu ingrat, parce qu'il est quand même venu par Lampedusa, et donc Lampedusa, le pape François, il en a fait des tonnes là-dessus, hein, pour laisser passer tous les migrants qu'il voulait. C'est ça le truc, c'est-à-dire que l'effet recherché, il y a quand même un effet qui est obtenu, mais je veux dire, ça ne va pas mettre en mouvement les masses en France. C'est ça que je veux dire. C'est clair. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que quand ils ont décapité le prof, ils ont visé plus juste d'une certaine façon. C'est beaucoup plus pertinent de leur point de vue quant à les faire rechercher que, en fait, des chrétiens qui sont une espèce d'espèce en voie de disparition. D'ailleurs, vous avez vu sur le lot, hein, il y avait une brésilienne, quoi. Il y avait une brésilienne. C'est-à-dire que les victimes se font grand remplacer, quoi. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les types ils vont viser des églises, ils vont tomber sur des nègres. Et ils disent on va châtier les descendants de Charles Martel, tu vois. Puis quand ils vont rentrer dans l'église, ils vont tomber que sur des nègres du Congo. Je veux dire, on va arriver à ça, quoi. Je veux dire, là ça devient vraiment ultra dystopique des deux côtés. Tu vois, c'est plus aussi glorieux que du temps des croisades, quoi. Tu vois, ça a plus tout à fait le même peps. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux réactions suscitées, à l'intensité perçue dans la société, réactions politiques. Force est de constater effectivement que ce qui a mis le feu aux poudres, hein, c'est le fait d'avoir montré les caricatures, donc c'est le prof. décapitation du prof et dire oh non, on ne tue pas les gens pour ça. Là, c'est juste une attaque où il a été commandé par, enfin, demandé par les, ces organisations-là, je crois que c'est Al-Qaïda pour le coup, d'attaquer tous les signes qui se rapportent à la France, notamment église, etc. Donc couteau, foncer dedans. Mais c'est quelque chose, oui, qui n'a pas la même portée symbolique que le fait d'avoir décapité le prof. Ouais. Et dans l'attitude de comment dire, parce que on voit bien, donc c'est ce que je voulais dire, et je voulais insister là-dessus, que ces activistes musulmans qui ont leur agenda visent évidemment les symboles de la chrétienté, parce que d'une certaine façon, ils résonnent encore en se disant que les Français sont encore Français au sens où on l'entendait lors des siècles précédents. Et c'est vrai que s'ils avaient fait ça, je sais pas, en 1920 en France, la réaction aurait été considérable. Or, je crois qu'ils n'ont pas compris que la France a complètement changé. Après, ils font ça aussi parce que chez eux, pour eux, dans leur tête, on est comme ça. Donc, au niveau propagande, oui. Dans le monde musulman, attaquer l'église, ça marche. Oui, ça marche. C'est génial. C'est presque même mieux comme prof. Le prof, ouais. Autant nous, ça, en France, société sécularisée, ça va plus nous toucher, ça va déclencher plus les débats, etc., liberté d'expression, qu'est-ce qu'il faut faire, tout le monde s'agite depuis qu'il y a eu cet événement-là. Autant dans le monde musulman, aller découper des gens dans des églises, chez le pays qui a blasphémé, oui. C'est du tout bénef. Hein. C'est du tout bénef, ouais. Au niveau popularité. C'est pas la même cible. Alors, il y a une... Oui. Oui, une petite chose. Enfin, j'ai l'impression, bon, là vous avez parlé des réactions vis-à-vis de la France, etc., je suis d'accord. Mais je reviens un peu sur la décision de Macron. Bon, il y a aussi la lettre de Jean Jaurès qui sera diffusée. Donc remontrer des dessins vulgaires ou caricatures. Donc en gros, Samuel Paty a été décapité à l'issue d'un cours où il a fait certaines choses. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'échelle nationale? On va refaire ce qu'a fait Paty. On va refaire le même cours. Alors avec un esprit quand même logique, soi-disant avec la volonté de s'affirmer aussi comme Français, adossé à des valeurs, etc., valeurs de la République, mais. Sans vouloir dire, je suis pas dans un esprit de soumission ou quoi que ce soit, mais je trouve pas ça d'une finesse particulière. Enfin, l'idée vient de, je crois que c'est Messia qui a dit le premier, cette histoire de remontrer les caricatures à tous les lycéens collégiens de France, qui fait quand même un sacré paquet de gens. Il y a forcément des débordements. Donc, il y a forcément des débordements parmi les élèves, mais il y a forcément des débordements d'origine diplomatique. Donc, je sais pas ce qui était voulu par Macron, c'est juste une erreur ou. Je pense, si tu veux, que cette matrice là qui s'appelle le printemps républicain, donc en fait qui sont des intégristes laïcs, hein, voilà, il y a des intégristes catholiques, il y a des intégristes musulmans, il y a aussi des intégristes de l'athéisme militant, hein, c'est le cas de Valls, de Fourest et compagnie, ce sont des gens. Qui veulent clairement, pensent-ils, qu'ils peuvent avoir le dernier mot. Alors, sur le chemin du dernier mot, il va y avoir quelques cadavres. Alors, ça ne va pas être les leurs. Hein, et ce ne sera pas forcément des gens de leur camp, hein, puisqu'on voit bien qu'on a même des catholiques réformistes type Vatican II qui, d'origine africaine qui meurent dans l'opération. Mais je veux dire, eux, ils vont aller au bout de leur logique, puisque... Au fond, pour eux, de toute façon, la France est un terrain occupé. Ils l'occupent, hein. C'est eux qui contrôlent l'État. Bon, s'il y a des troubles ici ou là, c'est regrettable, mais pour eux, ils peuvent avoir le dernier mot. Et donc, ils sont dans une logique d'offensive, hein, parce qu'ils sentent aussi que sur le terrain, démographiquement, ils reculent. Donc, ils veulent aller à la confrontation. Franchement, Gandalf, je crois que tu n'y es pas. C'est plutôt une stratégie habile de Macron pour limiter le nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Écoute, on va voir. J'espère qu'ils seront productifs alors, hein, si c'est l'objectif recherché. On va voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si les journalistes, etc., si dans le débat ou les politiciens, évidemment, disent terrorisme, parce qu'une attaque, tuer quelqu'un, c'est un meurtre, c'est vrai. Alors le terrorisme, après, ça, il faudrait le définir et tout ça. Mais quand eux, ils disent terrorisme, ça veut dire état d'urgence. Alors, on a déjà un état d'urgence sanitaire. État d'urgence, il y avait eu ça pour ce qui est du Bataclan, pour ce qui est de l'attentat de Nice, qui avait... Charlie Hebdo, ça avait été prolongé plusieurs fois, etc. Donc Vigipirate et compagnie, mais donc état d'urgence. Et là, en tout cas, quand eux ils disent ça, et état d'urgence, ça veut dire aussi restriction de nos libertés. On le voit sur le plan sanitaire, et là on voit sur le plan entre guillemets terroriste. Alors messieurs, il y a des informations qui ont été transmises lors d'un conseil de guerre à Macron. Ils appellent ça le conseil de défense. Ça fait moins, vous voyez, mais c'est un conseil de guerre. Hein. Alors, j'ai trouvé cette note intéressante. C'est Europe 1 qui cite ça. Et je pense que ça s'approche de la réalité, pour une fois. Alors, un conseil de défense s'est tenu vendredi matin autour d'Emmanuel Macron, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty et au lendemain de l'attaque de Nice. Les informations transmises au gouvernement par les services de renseignement sont loin d'être rassurantes. Le Conseil de défense a décidé de l'augmentation de notre posture de vigilance, a déclaré Gérald Darmanin à l'issue de sa réunion autour d'Emmanuel Macron. Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty et au lendemain de l'attaque de Nice, le gouvernement a notamment attribué des moyens supplémentaires à la sécurisation des églises, des cimetières et des écoles. Car depuis plusieurs jours, les informations transmises à l'exécutif par les services de renseignement donc sont loin d'être rassurantes. Le renseignement français s'intéresserait particulièrement à trois groupes. Alors ça, c'est trois groupes sociologiques, en fait. Trois groupes dont la porosité est plus importante que jamais, selon une source haut placée. Il s'agit premièrement des musulmans modérés, ensuite des fondamentalistes, c'est-à-dire les salafistes et les frères musulmans, ainsi que des islamistes prêts à passer à l'action violente. Alors en fait, là c'est une nuance, mais en gros ce qu'ils entendent par islamiste, c'est tout ce qui pourrait être tenté par le passage à l'acte violent. Hein. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire par islamiste. Donc musulmans modérés, fondamentalistes et islamistes violents. Voilà, c'est les trois catégories qui retiennent. Selon cette source, de nombreux musulmans modérés ont glissé chez les fondamentalistes. Et un nombre important de fondamentalistes qui n'étaient pas prêts à passer à l'action terroriste il y a encore quelques semaines ont basculé chez les islamistes. Là, on n'est plus face à quelques individus à surveiller. Désormais, on affronte des masses qui veulent nous détruire, précise un autre spécialiste qui ajoute les saillies d'Erdogan contre la France, qu'il juge islamophobe et raciste, ont eu un impact considérable sur le territoire français. Alors, ça c'était le point sur lequel je voulais revenir. Alors, messieurs, des masses entières qui veulent désormais nous détruire, et on nous parle des saillies d'Erdogan, donc chef d'État étranger, en l'occurrence de la Turquie islamiste, hein, dont les retombées sont très importantes sur le territoire français, ou plus exactement sur les millions hein, de musulmans qui sont établis sur le territoire français. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique là, elle n'est pas surprenante, hein, il y avait eu un sondage qu'on avait détaillé dans l'émission il y a quelques semaines sur l'état de l'opinion, notamment entre générations de musulmans établis en France. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire de ça, là, de cette évolution qui suit hein, la décapitation. On sent que visiblement, quand on coupe la tête, ils sont pas là. Ah ben non, ça n'a rien à voir avec nous, on se désolidarise complètement de ces positions radicales. Non, non, non, on va se modérer davantage. En fait, c'est l'inverse. C'est plus ça décapite, plus ça se radicalise collectivement. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Oui, les musulmans dits modérés, j'ai eu des échos comme quoi, quand ils ont vu les décapitations à... dans l'église, justement, ça leur a parlé, hein, ils étaient très contents. Petit sourire, ou une petite exclamation pour signifier qu'ils étaient, oui, leur contentement. Il y a un glissement, une radicalisation de ces populations-là, qui est tout à fait normale, parce que l'islam est une logique conquérante, et on ne voit pas pourquoi les gens, enfin ces gens-là, abandonneraient un système qui les fait gagner. Ben je ne sais pas, hein, quel serait le projet de rentrer dans la République pour que l'éducation nationale apprenne à tes enfants que la sodomie, c'est génial. Tu vois, il faut que les PD se marient. Tu vois, c'est, On va intégrer les musulmans en montrant les couilles du prophète dans les écoles, ça va marcher. Voilà, les caricatures du prophète et l'apprentissage LGBT. Les musulmans plus société aux mœurs complètement délabrées, ça ne peut que qu'antagoniser. Hein, ça sera Boko Haram contre la Gay Pride. Hein. Au final, c'est très bien. C'est très bien. Hein, la République sodomite universelle contre le babouina radicalisé islamique. c'est la tenaille identitaire. Hein. La tenaille identitaire. Nous, il faut qu'on arrive derrière en fait pour bouffer ça. C'est-à-dire que la République sodomite, effectivement, n'est pas un idéal non plus pour nous, elle ne doit pas l'être. C'est la mort, hein, je veux dire, de toute façon. C'est la mort. C'est pour ça que ces islamistes, d'un côté, réagissent par logique pure de conquête, mais se radicalisent parce qu'en face, tu as justement les Caroline Fourest et compagnie. Oui, qui les excitent. Qui se radicalisent, eux, par le fait d'être là à promouvoir Alice Coffin, le lesbianisme politique, etc. Enfin, les trucs de taré, hein, de taré complet, ça marche pas. Hein. Ces gens-là, en plus, ils sont dans des coalitions de gauche intersectionnelle. Bon, je sens qu'il va y avoir des sections. Mais c'est... des sectionnés, oui. Des sectionnés, oui. Ouais. La gauche intersectionnée, ça va être... Ouais. Derrick, j'ai pas compris la première partie de ton intervention. Est-ce que tu faisais référence aux articles de presse qui sont partagés sur les réseaux sociaux, par exemple sur les décapitations des attentats islamistes, et qui sont constamment likés avec des smileys morts de rire par des centaines de gens qui vivent en France? Non, c'est des cas perso, hein, des cas perso de gens qui disent collègue ou boulot, il a vu le truc. Il a vu la décapitation à Nice et ça l'a fait marrer. Hein. Musulman intégré, c'est assez de je sais pas des gens enfin, intégrés économiquement, j'entends. Hein. C'est des gens qui ont une certaine situation confortable. Hein. Ça n'empêche pas que ce sont des animaux. C'est pareil. Mais non, c'est... Ces gens-là sont contents, ils sont très heureux de ce qui se passe. Ah oui, oui, non, non, oui, oui, mais ça, c'est... Français, ça ne nous touche pas trop, ça ne touche pas trop l'Église. Enfin, oui, c'est, on est triste, parce que, bon, ça nous rappelle que ce truc-là, l'Église, ça faisait partie de notre... ça fait partie du passé, donc on a un petit sentiment nostalgique. On a une empathie envers les victimes, bien entendu. Mais pour les bougnoules, ils jubilent. Hein. Ils jubilent de voir des croisés qui se font décapiter dans les églises. Hein. Ah, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Hein. Faites la liste des... Vous voyez, les smileys morts de rire sur Facebook. Hein, sur les, voilà, faites la liste des gens qui ont mis ce smiley. Et normalement, vous constaterez tout un tas de noms, de patronymes tout à fait exotiques, des Mohamed, etc. Voilà, c'est flagrant. Ouais, mais faut voir... Oui. Il y en a. Moi, j'ai remarqué aussi par rapport à... Bon, je digresse un petit peu, mais parce que tu l'évoques. Quand il y a des nègres qui se noient, là, les Omar Sy, les 140 Omar Sy, oui, qui se sont noyés au Sénégal, il y a un bon 10% des réactions qui sont de la rigolade, hein, des blancs qui se marrent. Hein. Donc, c'est de bonne guerre. On s'aime pas. En fait, on s'aime pas, c'est très bien. La réaction dans le monde musulman, alors je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais alors là, par contre, cette semaine, ça a été quand même vachement corsé. Hein. Au Bangladesh, un océan de barbus. Mais vraiment, des masses énormes. Alors, ils ont exigé carrément, hein, je mens pas. Hein. Ils ont convergé vers l'ambassade de France pour exiger la décapitation de l'ambassadeur. Hein. Je plaisante pas, hein, c'est authentique. Voilà, mais quand je vous dis que c'est des flots immenses, c'est immense. Hein, voilà, donc c'est des pays où il y a même pas l'eau courante et tout. Bon, ils ont des priorités, les mecs, tu vois. Donc c'est ce qui peut se passer que dans une classe quelque part en France, quoi. Alors au Pakistan, évidemment, bon, ça fait partie du folklore local, mais on a quand même eu des figures, des partis religieux qui ont quand même des supporters. Hein. C'est pas 3-4 personnes, hein. C'est devant là aussi des meetings avec beaucoup de monde. Hein. Et les meetings dans ces pays-là, contrairement à la France, rassemblent beaucoup de gens. Ce sont des gens qui se mobilisent. Hein. Je sais qu'en France, les jeunes, ils sont chez eux, ils jouent à la PS4. Mais dans ces pays-là, les jeunes, ils s'agrègent, ils écoutent des imams. Alors, surtout au Pakistan, ils ont des turbans noirs, vous savez, des gros turbans tout noirs, puis des barbes encore plus noires que les turbans. Et alors, il y en avait un, comme ça, il disait qu'il fallait immédiatement lui donner le pouvoir parce qu'il allait attaquer avec l'arsenal nucléaire pakistanais la France pour châtier les infidèles. Alors, faut quand même voir cette vidéo, c'est assez impressionnant. Le Pakistan à l'arme atomique. Hein, Oui, voilà, il faut le préciser. Ouais, ceux qui l'oublieraient. Alors, les gens vont me dire, oui, mais bon, c'est pas sérieux, etc. Alors, n'oubliez pas hein, que le cardinal vous a un peu expliqué ces dernières semaines comment ça fonctionne, hein, ces gens-là, c'est Végéta. C'est-à-dire que... Végéta, il explose hein, quand il n'est pas content. Pour eux, finalement, l'arme atomique, la faire péter une bonne fois pour tuer des infidèles avec le paradis d'Allah, quelle est vraiment la différence entre ça et un attentat avec une ceinture d'explosifs ? Au fond, tout ça est... C'est assez proche. Hein, donc, voilà. Je tiens quand même à le souligner. C'est pas sérieux, mais d'un point de vue pakistanais, non, c'est tout à fait sérieux. Bon, ils sont 200 millions au Pakistan. Il y a un imam qui a lâché donnez-moi l'arme atomique, je l'amène avec mon fauteuil roulant, je la fais péter là-bas. Oui, bah, c'était ce client-là qui voulait y aller, même en fauteuil roulant, c'est pour vous dire s'il nous aime. Alors. Voilà, alors il faut voir les scènes, hein, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan aussi, il y a eu des manifestations. Alors là, on brûle les drapeaux français, puis c'est des masses, quoi, hein, c'est des masses de barbus puants sortant de leurs cavernes. Littéralement, l'Afghanistan, c'est carrément des cavernes. Hein. Ils sortent de partout, il n'y a rien, il n'y a pratiquement pas de bâtiment. Vous voyez une nuée de... Alors leur pays est complètement pété, il n'y a rien qui fonctionne en Afghanistan. Mais ils sont formels, ils veulent régler les affaires intérieures françaises. Donc, faut quand même mesurer. Le Bangladesh aussi. Hein. Oui, le Bangladesh, j'en ai parlé. Le Pakistan, l'Afghanistan. Bon, ouais, bon voilà. Donc, vous identifiez à peu près le profil de ces populations. Et alors, il y a quelque chose d'un peu plus proche de nous, mais qui fait écho à ça. C'est la star du MMA, Khabib Nurmagomedov, hein, qui vient du Daghestan. Donc, c'est un caucasien musulman. Qui est suivi par plus de 25 millions de personnes sur Instagram. C'est une véritable star de ce sport de combat. Et vous savez que ce sport est particulièrement prisé des jeunes, que ce soit des blancs ou d'autres, mais tout particulièrement les banlieues. Hein. Vous savez, ça c'est très, très à la mode. Et alors qu'est-ce que nous a dit Khabib ? Que le tout-puissant défigure, donc là il parle de Macron, défigure cette ordure et tous ses disciples qui, au nom de la liberté d'expression, insultent la foi de plus d'un milliard et demi de musulmans. Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences, car les pieux ont toujours le dernier mot. Alors, c'est agrémenté de citations du Coran. D'accord ? Donc, c'est un propos religieux. Alors, il faut quand même, là aussi, prendre la mesure des choses. C'est quelqu'un qui, juste sur Instagram, peut s'adresser à l'équivalent de la moitié de la population française. Donc, en sachant qu'il y a une grosse partie de musulmans là-dessus. Donc, quand un de ces mecs-là dit à son public de rageux consubstantiels « il faut défigurer l'ordure de Macron », ses disciples, ils vont le payer, je veux dire, c'est pas des mots en l'air, hein, je veux dire, c'est pas juste une figure de style, mais on peut se dire, ah ouais, il flambe. Non, hein, sur les 25 millions de gens qui touchent, il y a des gens, ils le prennent littéralement, hein, c'est un ordre de marche. Et je voulais le citer, parce qu'on a parlé des réactions en France, maintenant il faut parler des réactions des musulmans. Alors, avant qu'on en finisse avec ce sujet-là, D'après vous, après il y a eu le clip aussi, hein, l'équipe de France, on peut peut-être en parler aussi vite. Mais... Alors attends, non, oui, j'aimerais rebondir un petit peu parce que tu as parlé de Khabib. Il a fait effectivement ce poste-là où il a appelé à défigurer les ennemis de la foi. Je crois Macron. Avec une semelle sur la gueule. Le Macron, ouais. Ouais. Après, il a fait aussi un autre poste un petit peu du même genre, où il appelait Allah à écraser de châtiment tous ceux qui tentent de se mettre en travers de sa route par rapport à la liberté d'expression, tout ça, hein, le prophète, machin. Et le poste a été liké par de nombreux internationaux français de football. Oui, il y en a 5 au moins, je crois. Là, PESM. Donc, après, je ne sais pas si c'est tous anciens, enfin, il y a des récents et des anciens. Il me semble qu'il y a Benzema dedans, notamment. Oui, enfin, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont été mis comme modèle pour la jeunesse. Hein. On a eu à subir, malheureusement, la victoire de la France lors de la dernière Coupe du Monde. Avec les nouveaux héros marron, nègre, une équipe absolument. Bah, le négro mort Mbappé. Hein. Négro mort Mbappé. Ouais. Alors qui lui est, se mobilise pour des tas de. Là, il parlait du Cameroun, la crise au Cameroun. Mais par contre, il n'a pas du tout parlé de tous les récents attentats en France. C'est curieux. Hein, c'est très... Non, mais il a oublié. Ouais, il a oublié. Et donc voilà, il risque d'avoir du sport parce que c'est ces sportifs-là donc qui donnent de l'écho à ce genre de truc participent à exciter les bougnoulous de chez nous, hein. Bougnoulous bien du cru. Donc, en plus des immigrés tunisiens qui débarquent le mois dernier à Lampedusa et en début de semaine en France pour décapiter les gens dans les églises, tu vois, c'est leader d'opinion de la jeunesse, hein, c'est de la jeunesse étrangère en France, qui font le SAV pour exciter tout ça. Donc ça s'annonce très sympathique, hein, les semaines à venir. Oui, même les années à venir, tu peux y aller, sois généreux. Alors, il y a eu un clip de l'équipe de France, parce que là, le gouvernement, en fait, alors je lisais ça, hein, ils avaient mis en place, parce que dans l'article que je vous citais, sur le fait que là, ils n'avaient plus affaire à quelques individus dits radicalisés, mais carrément à des masses entières, effectivement, il y a une espèce d'écosystème là, présent en France, qui résonne totalement avec le reste du monde musulman, pour des raisons évidentes, des raisons raciales, des raisons religieuses, culturelles. Il disait en fait qu'ils avaient mis en place, enfin que le gouvernement français, donc à la sortie de ce conseil de guerre, avait mis en place des mesures, en gros des contre-mesures qu'ils appliquent d'habitude à des États, notamment sur Internet. Vous savez qu'en fait il y a des États qui essayent constamment d'influencer le débat public en France sur les réseaux sociaux et tout. Et en fait là, ils ont pris pour la première fois ces mesures. Donc des mesures qui sont conçues pour lutter contre des États, contre, soi-disant, ces groupes, les termes étaient assez flous, mais ces groupes qui, sur Internet, en fait, rentraient en résonance avec les propos anti-France qui circulaient dans tout le monde musulman en ce moment. Et en fait, la conclusion de cette décision, c'est que l'État, enfin là on parle carrément de l'armée, hein, pour contrer ce qui se passe, est obligé de recourir à des moyens, à des outils qui sont réservés à des confrontations entre États. Donc, en fait, ces musulmans-là qui sont présents sur le territoire français, ces millions et millions de musulmans qui sont présents sur le territoire français, pour les canaliser, l'État français est obligé maintenant dans sa doctrine de les considérer comme les ressortissants d'un État étranger en guerre contre eux. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça c'était dans la brève d'Europe 1, dans le communiqué d'Europe 1. C'est problématique quand on veut lutter contre le séparatisme. Oui, non, mais là il y avait un aveu en creux que ces gens sont, que les musulmans en France sont des ressortissants de l'État islamique. C'est ça que ça veut dire. L'État islamique light, quoi. Oui. Light, mais oui, mais c'est un écosystème. Donc, t'as les mecs qui portent les couteaux, et puis ensuite, t'as les pom-pom girls, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est. Étrangement, quand tu importes des millions de bougnoules dans ton pays, ton pays devient un pays de bougnoules. C'est bizarre, hein. Donc, avec de l'islam radical. Absolument personne n'aurait pu le prévoir. Hein. Personne n'aurait pu le prévoir. Julien Drey, d'ailleurs, n'est pas prévu, donc il trouve là. D'un coup, il faut réduire l'immigration. Hein. Il est zéro, allez, on ne fait plus d'immigration. Et puis, on va voir ce qui se passe. Quoi. Alors, donc, sur ce, dans cette stratégie de contre-influence, ils ont sorti le clip là, pour la rentrée, donc, qui a lieu lundi, hein, bien sûr, où est prévu un rassemblement, vous savez, où il y aura une minute de silence, machin, enfin, en théorie. Hein. Et en fait, pour préparer un petit peu les élèves à tout ça, l'équipe de France a été sollicitée, les joueurs de l'équipe de France ont été sollicités pour diffuser un message en faveur de la liberté d'expression, de la laïcité, de la tolérance, en veux-tu, en voilà. Bref, qu'il fallait respecter les professeurs. Donc, en se disant, parce que la logique est la suivante du point de vue du gouvernement, les jeunes, parce que c'est un des derniers trucs que les jeunes suivent, parce que surtout le reste, ils ont complètement perdu, je parle bien des jeunes immigrés, hein. C'est le foot. Donc, la logique de l'État, c'est de leur dire, bon, on va leur mettre les types qui tapent dans une balle avec le bleu et qu'ils aiment beaucoup, on va les mettre sous le nez, ils vont leur dire, surtout, vous obéissez bien à vos professeurs, hein. Vous êtes des bons petits républicains, il faut arrêter de dire du mal de vos profs quand ils vous montrent le cul de votre prophète sous votre nez, d'accord ? Et alors, la vidéo, elle souffre d'un écueil, donc j'ai regardé, il y a Griezmann, il y a toute une série de mecs. Alors par contre, il n'y a pas de musulmans dedans. Ils sont pas là, je sais pas où ils sont, j'ai pas compris, mais ils sont pas là. Ils sont pas là, c'est un clip presque intégralement blanc. Il y a juste un peu Varane et encore un nègre, mais presque intégralement blanc, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, messieurs, disparition de Sean Connery, 90 ans, acteur écossais, bon, mythique, hein, totalement. Pourquoi je voulais revenir? Je pense que, parce qu'il y a quand même toute une série de personnes qui disparaissent, on sent bien que le 20e siècle est en train de disparaître avec eux. Et aussi un peu un âge d'or, hein, de la culture occidentale et européenne, et qu'on ne voit pas nécessairement la relève venir pour toute une série de raisons. Donc ça vaut quand même le coup de parler d'hommes comme ça qui ont véhiculé une image quand même très positive de l'homme blanc, je dirais, comme Sean Connery. D'autant que le cinéma actuel, moi, me laisse quand même de plus en plus perplexe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est le premier truc que je trouve très intéressant avec Sean Connery, c'est son origine. C'est un fils d'ouvrier de la banlieue d'Édimbourg qui, en fait, s'est fait tout seul. Hein. C'est un type qui partait de vraiment rien. Et c'est souvent ces mecs-là qui ont une authenticité, en fait. Hein. Ils partent de rien, ils se construisent tout seuls, avec beaucoup de difficultés. Et donc, ils partent de la banlieue ouvrière d'Édimbourg, avant-guerre. Et puis, ils deviennent une des plus grandes stars du cinéma mondial, quoi. Et ça, c'est déjà une prouesse en soi. Alors, il a réalisé plusieurs films. Enfin, il a participé à de nombreux films, mais il y en a certains qui ont plus marqué que d'autres, évidemment. Il y a James Bond. Quelqu'un veut-il dire quelque chose sur James Bond? Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui ait beaucoup vu de James Bond, mais je ne sais pas, est-ce que vous voulez peut-être en parler? Dire deux, trois mots au niveau de la série. C'est le rôle iconique de Sean Connery, quoi. C'est vraiment... quand on pense à James Bond, on pense à Sean Connery. Quand on pense à Sean Connery, on pense à James Bond. C'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui a initié la série de films, hein, de James Bond. C'est le premier acteur. Et il a marqué il a mis sa patte sur le rôle et même par rapport au suivant, ça il y a eu une continuité, hein, je sais pas combien, hein, d'ailleurs, de films, beaucoup, ouais, 25-30, je sais pas du tout. Ouais, tu veux dire, il a créé la franchise juste par son charisme, c'est ça que tu veux dire, quoi. Ouais, c'est à dire que il a impulsé quelque chose là-dessus, au niveau de cette franchise, tout à fait. Ouais. Il incarne vraiment dans ces films-là le mal viril, de façon complètement fantasmée, exagérée, mais c'est vraiment un vrai morceau de testostérone. Ouais, il y a des trucs qui sont impensables aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, bon, James Bond, il enchaîne les conquêtes, mais il y a un truc qui revient fréquemment, c'est. Enfin, pas fréquemment, c'est pas systématique, mais il n'hésite pas à gifler les femmes, par exemple. Pour les femmes qui lui tiennent tête, etc., il n'hésite pas à les dompter en leur mettant une gifle. Et je trouve que ce message-là, aujourd'hui, avec toute la terreur féministe qu'on connaît, la terreur médiatique, j'entends, hein, elle touche du doigt quelque chose d'important. Je pense aussi que ça, c'est pour ça que ça résonne beaucoup. C'est pas juste parce que il a du succès dans les films, etc. Je pense qu'il incarne une virilité qui est authentique. Ça fait pas bidon. Je vois par exemple aujourd'hui, juste pour comparer, par exemple, la virilité telle qu'elle est vendue aujourd'hui. Vous savez, les types sont hyper bodybuildés, mais au point d'en être caricatural. Ils sont épilés sur le torse, etc. Sean Connery incarne une virilité qui vient justement du peuple, qui est réelle, qu'on sent transpirer dans ses films, même des films qui sont comme des films comme James Bond, qui sont des films, je veux dire, où l'imaginaire a pas vraiment de limite, quoi. Les scénarios ne sont pas vraiment très réalistes, par exemple, hein. Mais ça ressort vraiment, et je pense que c'est pour ça que, comme tu le dis, il a pu incarner vraiment la virilité de l'homme occidental. Je pense que c'est pour ça que James Bond ne crève pas. Enfin, je pense qu'ils vont tuer la marque en mettant un nègre, parce que c'est ce qu'ils veulent faire, on le sent, c'est la logique même Et du système. pourquoi pas mettre une femme aussi, tant qu'on y est? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Dans le dernier, Une femme noire. c'est 007, c'est une femme noire. Enfin bon, c'est bon, voilà. Vraiment, ça a été fait? J'ai Ouais, loupé un le. truc là. Alors, elle n'est pas James Bond, qui apparemment. Il n'est plus dans le service, mais elle est l'agent 007. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, donc on n'a pas eu le droit à Jeannette Bond, dommage. Tout à fait. Mais le côté de la gifle, ça, c'est par exemple, c'est un discours qui est. Parce que maintenant, on n'a même plus le droit de donner de gifle aux gosses, vous savez. Alors moi, je m'inscris en faux avec ça. Je veux dire, mais il y a une différence, je veux dire, c'est pas. Même Sean Connery, dans sa vie privée, a défendu. Hein. Il a dit, ouais, moi, si une femme va trop loin. Parce qu'il a raison, il y a des femmes qui vont vraiment très, très, très, très loin. J'hésiterai pas à lui mettre une gifle. Mais ça ne veut pas dire je vais battre ma femme avec un ceinturon. Il dit voilà, quand il y a une femme qui fait n'importe quoi, qui devient complètement folle, une gifle, parfois, c'est la seule chose qui peut lui remettre les idées en place. Et moi, je me retrouve totalement dans les propos de, comment dirais-je, de Sean Connery en tant que Sean Connery, et dans ses rôles, y compris dans James Bond, où il y a des scènes, etc. Mais ce que tout le monde admettait il y a encore quelques années, je veux dire, hein, ça ne choquait personne de voir James Bond coller une paire de gifles à une nana hystérique. Les gens trouvaient ça totalement, totalement banal. Hein. Mais ça a été complètement criminalisé. Donc on sent, si vous voulez, qu'avec la mort de Sean Connery, d'une certaine façon, James Bond, cet archétype de l'homme blanc, mais civilisé en même temps, vous voyez, violent, mais civilisé, c'est-à-dire que c'est pas de la violence barbare, c'est une violence très très très calibrée, très mesurée, mais un potentiel de violence quand même et d'agressivité très forte, qui est intéressant. On sent que ça, voilà, que dans les archétypes qui sont autorisés, on sent que ça va être passé par pertes et profits. Alors, je pense que c'est un truc qu'il faut relever quand même. Ce qui était bien avec James Bond, c'était la positivité, c'était la lumière positive qui était mise sur l'homme blanc hétérosexuel qui est lui-même, même en étant un peu caricatural, vous voyez, ce qui lui donnait un certain charme. C'est-à-dire que c'était vu quand même sous un œil positif. Et comme l'explique Sean Connery, je trouvais ça très intéressant parce que dans une de ses interviews, on lui demande, voilà, alors comment vous voyez, parce qu'il y avait des critiques hein, qui étaient quand même formulées. Il disait, voilà, quand même, James Bond, c'est quelqu'un qui aime le sexe, c'est quelqu'un qui aime aussi l'alcool, enfin pas l'alcool au sens beuvry, mais qui aime le vin très cher, etc. Bon, le côté un peu hédoniste. On lui demandait comment vous expliquez ça dans ce rôle, est-ce que Comment vous le jouez? Alors, il disait, bah, c'est très simple. Il dit, voilà, quand vous suivez James Bond, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui, en tant qu'espion, au service de Sa Majesté, n'est-ce pas? est constamment sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut mourir. Donc, il vit comme si c'était la dernière minute. Donc, je trouvais ça intéressant. Je trouve ça intéressant dans son approche. Il y avait un côté... oui. En fait, Sean Connery a assumé la dimension tragique du personnage. Voilà. Et je trouvais ça sympa. C'était bien. Ce qui donnait du relief. Bah, il incarnait une autorité, une liberté en même temps. Hein, d'agir comme un homme doit agir. Hein, ouais. C'est pour ça, je pense, que le prochain James Bond sera Metek. Puisqu'il peut... ça sera, enfin, dans la société du futur et même du présent, les seuls qui sont autorisés à maîtriser les femmes, ce sont les nègres et les métèques en tout genre. Ça, c'est obligé. Hein, oui, et à être viril et à être violent, c'est autorisé. C'est-à-dire que les qualités viriles qui... Aujourd'hui, les hommes blancs, symboliquement, dans l'espace médiatique contrôlé par le système, l'homme blanc ne peut plus avoir une image positive. Son image est constamment dévalorisée. Donc on essaye de sortir l'homme blanc de l'histoire. Donc il est culpabilisé en permanence, et donc les qualités viriles qui lui donneraient une image de lui-même valorisante et qui lui donneraient confiance sont par définition des problèmes pour le système, qui cherche au contraire à casser la confiance en lui-même des hommes blancs qui pourraient lui résister. Donc, dans ce cadre-là, dans ce travail d'ingénierie sociale, quelqu'un comme James Bond incarne ce que les féministes appellent la masculinité toxique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est toxique, l'homme blanc devient toxique, donc les archétypes de l'homme blanc deviennent toxiques. Donc James Bond devient toxique. Ça a été d'ailleurs rappelé par un élu dont je n'ai plus le nom, un élu d'Europe Écologie des Verts, donc c'est toute la pire racaille féministe, cosmopolite, et rajouter tout ce que vous voulez derrière, ça va marcher. Il s'est ému du fait que James Bond, et en particulier l'interprétation de Sean Connery, était particulièrement sexiste et machiste. Bon. Quelle saloperie. Ces gens-là salopent nos souvenirs de gamins. Quoi. Ils s'attaquent à tout. Ces gens-là, Marielle, Sean Connery, là, qui s'en vont, c'est toute une partie de nos souvenirs des films qu'on a vus qui s'en vont avec. Et de voir ces merdes essayer de saloper ça pour les jeunes générations. Hein. Les jeunes, le camp du bien édicte ce qui est autorisé, ce qui est bon et ce qui est interdit et qui est mauvais. Ils ne pourront pas accéder à ça. Quoi. Ça va être mis sous le tapis. C'est dramatique. C'est un truc. Oui, Derrick, mais dans ce que tu dis, c'est très vrai, mais ça me rappelle un autre film de Sean Connery absolument génial qui s'appelait Zardoz. Et Zardoz est tout à fait d'actualité. En fait, c'est quoi Zardoz ? Le monde est tombé dans une anarchie complète dans laquelle tu as des barbares qui passent leur temps à s'entretuer, se voler, se violer, tout ce que tu veux. Et existe un village qui est dans une espèce de bulle où ils n'ont pas accès. Et dans ce village, assez curieusement, tu as une faune qu'on peut tout à fait identifier aux boomers à l'heure actuelle, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur univers, qui ont le fric, qui ont la belle vie, qui ont le confort, qui ont tout ce qu'on veut. Sauf que dans Zardoz, en plus, ils ont l'éternité parce qu'ils ne meurent pas, ils sont immortels. Et le film, en fait, explique la chose suivante, c'est que ces gens finissent par tellement s'emmerder dans leur oisiveté qu'il y en a un qui trahit tout le monde en faisant rentrer donc Sean Connery dans le groupe, qui va démonter toutes les défenses de sécurité et de protection de ce village et qui va permettre aux barbares de rentrer en fait dans le village et d'assassiner tout le monde. Et quelque part, quand on voit l'Europe à l'heure actuelle qui a vécu dans une opulence absolument totale, où elle a justement ces boomers qui sont dans un confort existentiel et qui se foutent mais complètement de ce que peut subir le français, le belge lambda, ben on y est. Et en fait, ils sont en train, avec l'ouverture des frontières, ils sont en train avec les migrants, ils sont en train avec les musulmans et toute la racaille, de faire à l'échelon du continent européen un gigantesque Zardoz numéro 2, sauf que cette fois-ci, on est dans la réalité, on n'est plus dans la fiction. Ah, c'est intéressant, ça c'est un film que je n'ai pas vu, il faut que je le voie. Zardoz, ouais, ouais, ça il faut que je le voie. D'autres films de Sean Connery marquants hein, pour le coup vraiment au-delà de enfin, ça me paraît incontestable, c'est Le Nom de la Rose. Je pense que beaucoup l'ont vu, donc qui est une sorte de thriller médiéval. Film violemment anti-chrétien. Violemment anti-chrétien, mais comment dirais-je qui est caricatural. Hein. C'est vrai que évidemment le rôle de l'Église est sciemment noirci par Jean-Jacques Haneau, hein, qui a fait la réalisation. Donc il y a tout un message effectivement qui est très anti-chrétien, anti-clérical, qui ne colle pas exactement à la réalité de ce qu'était l'Église au Moyen-Âge. Hein, c'est beaucoup plus nuancé, mais qui peut pointer d'une certaine façon des abus qui ont bel et bien existé. Mais au-delà de ce message, je trouve que l'ambiance est réussie. C'est-à-dire que combiner le thriller, c'est-à-dire bon, l'enquête avec le suspense autour d'un meurtre ou d'une série de meurtres avec le Moyen-Âge, je trouve que c'est bien fait, surtout dans un lieu clos et avec toute la dimension du secret, parce que c'est ça qu'il y a dans tout le film, c'est le secret, c'est le silence, vous savez, parce que ça concerne des moines qui ne parlent pas normalement. Et Sean Connery arrive là avec un jeune disciple, et le jeune disciple est un jeune moine. Il n'appartient pas au même ordre que que celui qui administre le lieu où il enquête. Et il essaye de faire parler, justement. Donc il y a un rapport avec le silence, avec le mystère, avec le secret, avec le symbole. Tout ça, c'est vraiment bien réussi. De ce côté-là, c'est un film qui mérite d'être vu. Mais il faut le lire, effectivement, comme tu le dis, avec une distance critique, parce que Haneau est un marxiste, mais même Paulo Coelho, je veux dire, c'est clair, quoi. Mais c'était quand même une excellente performance de Connery. J'ai trouvé, en tout cas. Oui, c'est un bon film, hein, mais historiquement, qui vaut pas un clou, quoi. Mais c'est un très bon film. Oui, ouais, c'est ça, c'est dans l'atmosphère qui génère, c'est très bien fait, ouais. Qu'est-ce qui encore comme film les Incorruptibles, ça c'est sur l'épopée de d'Al Capone à Chicago. C'est un film qui a beaucoup marqué. Alors il y a Kevin Costner il était en second rôle. C'était Costner qui était Costner le principal dans le rôle d'Eliot Ness. Parce que bon, Costner, en fait, le grand moment de sa carrière, c'est les années 90, en fait, hein, 1990, où il a fait des, comme ça, plusieurs grands films. Il a fait JFK, il en a fait d'autres. Et Sean Connery joue un second rôle, mais il le joue très bien. Il y avait un bon casting. C'est un film que j'avais trouvé assez marquant aussi. Je trouvais ça assez marquant. Bah, tous les jeunes ont vu la série d'Indiana Jones. Hein, où il joue le père d'Indiana Jones. Le père d'Indiana Jones, ouais. Série grand public, très second rôle, quoi. C'est grand public, là aussi, c'est série anti-nazi, etc. Mais bon, il y a quand même une dimension d'aventure qui fait rêver tout gamin que nous avons été. Totalement, oui, bien sûr. D'ailleurs, ils ont fait une nouvelle version d'Indiana Jones, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est un acteur un peu mastoc qui fait ça, là. Il est un peu bodybuildé, j'ai complètement oublié son nom. Ça reprend la même thématique, quoi. Je veux dire, ça se passe dans les années 20, 30, il va dans les pyramides d'Égypte et tout. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Et Je sais qu'ils ont refait récemment Indiana Jones aussi. Hein. Il y a quelques années. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais là, il jouait pas, je ne sais pas. Il y a un film qui est vraiment bien, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge. Est-ce que vous l'avez vu, ce film-là? Oui, excellent. Ça, c'est un film que je recommande vraiment à nos auditeurs, où vraiment Sean Connery, il est vraiment charismatique, là, il est vraiment il est au top de son jeu. Hein. Donc l'histoire, hein, pour ceux qui, nos auditeurs qui n'auraient pas vu, peut-être les plus jeunes n'auraient pas vu le film. Je ne sais même pas ce qu'ils rediffusent, je veux dire, en France, je n'ai aucune idée de l'état de la télévision, les films qu'ils rediffusent, qu'ils ne rediffusent pas. Mais donc l'idée, ça se passe durant la guerre froide, la fin de la guerre froide, donc... entre l'Union soviétique communiste et l'Amérique, et en fait, il y a un officier de sous-marin soviétique, incarné par Sean Connery, qui veut déserter et rejoindre l'Amérique. Donc évidemment, c'est un film américain qui est, je veux dire, un film de propagande, hein. C'est un film est un film anticommuniste. J'ai rien contre l'anticommunisme, je veux dire, mais... évidemment, il y a un caractère orienté, mais c'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est toute la dynamique dans le sous-marin entre justement un officier qui veut déserter et d'autres matelots qui eux ne sont pas du tout au courant de ça. Et là, il y a une dynamique qui se passe dans le scénario est très bien fait et Sean Connery joue vraiment très très bien. Et vraiment, je recommande. Ça, c'est un film qu'il faut. Je l'ai visionné plusieurs fois. Je me lasse jamais de le revoir. J'aime les films de sous-marins en général, je veux dire, Das Boot aussi, c'est un super film de sous-marins, hein, je veux dire. Highlander, peut-être, qui c'est qui a suivi Highlander? Oui, dans le premier, effectivement, il joue le mentor du héros qui est joué par, comment il s'appelle cet abruti, là. Oui. Christophe Lambert. Christophe Lambert. Un film sympathique aussi, un personnage sympathique, bon. Ça a marqué le genre, quoi. Ça a marqué le genre. Alors c'est intéressant parce que ça se passe en Écosse, donc Highlander, comme son nom l'indique, les Highlands, quoi, qui sont les plateaux montagneux d'Écosse. Sean Connery est écossais, hein, il est né en Écosse, et c'était un nationaliste écossais, ce que pas forcément beaucoup de gens savent. était partisan de l'indépendance de l'Écosse, un partisan vraiment acharné de l'Écosse. Et il s'est toujours engagé ouvertement en tant que patriote écossais. Ça marque aussi un caractère, je trouve ça très intéressant. Il a fait des choses assez discrètes d'ailleurs pour la jeunesse écossaise pauvre. Et d'où il venait en fait, parce qu'il venait des mêmes zones, et il a mis de l'argent là-dedans qu'il avait avec les profits qu'il avait fait avec ses films, etc. Il a ouvert des institutions, au moins une institution pour des jeunes écossais qui n'avaient pas les moyens en fait de suivre tel ou tel cursus scolaire, etc. Donc ouais, il avait ce genre d'activité. Alors donc il a joué dans Highlander et on le voit souvent en kilt, je ne connerie. Donc une dimension enracinée vraiment pas mal. Et il y a un film d'action aussi. C'est un film d'action vraiment à l'américaine, mais je le trouve vraiment pas mal foutu. C'est The Rock. Qui c'est qui l'a regardé Mais il est vraiment bien foutu, je trouve. Alcatraz, vous savez. Moi, je l'ai vu, c'est pas mal, effectivement. C'est un film d'action, hein, je veux dire, avec Nicolas Cage et tout. Bon, voilà, c'est pas un film à message. Avec Ed Harris aussi. Ouais. Non, il y a des bons acteurs, il y a un bon casting dans ce film. C'est un film à message dans une certaine mesure, mais le scénario est pas très élaboré, c'est un film d'action. Mais il y a quand même un message qui est d'ailleurs un message de gauche, en fait. Hein. Il y a la question du légalisme et de la loyauté vis-à-vis de la chaîne de commandement de tout militaire et le patriotisme, c'est-à-dire à quel moment le soldat doit devenir un soldat politique. Alors bon, c'est un peu le fil conducteur du truc. Et là-dedans, Sean Connery, en fait, c'est un espion britannique qui a été foutu au trou, en gros, par la CIA. Mais c'est le seul type qui connaît Alcatraz, la prison d'Alcatraz au large de San Francisco. Donc ils ont besoin de lui, ils le font sortir de tôle en disant voilà, on va le libérer et tout, et ils le font rentrer dans la prison avec Nicolas Cage. Et là, je dois dire que le film il marche très très bien, on le regarde très vite, ça se regarde très très vite. Et il avait à l'époque 67 ans, je crois, 68 ans, et vraiment là, il est vraiment très charismatique. Enfin, il ressort vraiment dans le film, quoi. Il y a rien à faire, quoi. Il a une présence qui est extraordinaire, quoi. Stand easy. Thought I'd been in the service a long time. Name and rank, sailor. It's army, actually. Answer the question and address him as General Sir. Captain John Patrick Mason, General, sir, of Her Majesty's SAS. Retired, of course. You're a long way from home, Captain. How the hell are you involved in this? Oh, I have a unique knowledge of this prison facility. I was formerly a guest here. Did they bother to tell you who I am, why I'm doing this? Are they just using you like they do everybody else? All I know is... You were big in Vietnam. I saw the highlights on television. And you wouldn't have any fucking idea what it means to lead some of the finest men on God's earth into battle and then see their memory betrayed by their own fucking government. I don't quite see how you cherish the memory of the dead by killing another million. And this is not combat. It's an act of lunacy, General Sir. Personally, I think you're a fucking idiot. Il y a un film que j'ai pas vu que j'ai envie de voir. Ça s'appelle Outland. Ça se passe sur Jupiter. C'est très réaliste, en fait. C'est une espèce de... Je crois que c'est une entreprise de minage. Ouais. Et c'est un peu dans la veine... on pourrait classer ça, si vous voulez, dans le style, comme le Alien, le premier, où, vous savez, il y a... Ça se passe à bord d'un vaisseau spatial, vous voyez. Mais c'est très réaliste, quoi. C'est à peu près dans la même veine, quoi, une espèce de thriller aussi, mais science-fiction. Et ça a l'air vraiment pas mal foutu. Toi, Fulbert, tu l'as vu ce film-là ? Je l'ai vu il y a très longtemps, oui. Bon, c'est un. Je dirais, moi, c'est plutôt un film policier qui se passe dans. C'est ça, ouais. Voilà. Je m'en souviens mal, mais je sais que. Ah, c'était pas mal comme film, mais je ne me rappelle plus la fin, rien du tout. Ça se passe pas dans un vaisseau spatial, en fait. Ça se passe sur une planète qui est une exploitation minière. Et en fait, moi, personnellement, j'ai pas apprécié le film. Je trouve que c'était trop tiré par les cheveux. En fait, il joue le rôle de l'équivalent d'un shérif et il s'aperçoit qu'il y a un énorme trafic d'une espèce de drogue. Mais il finit par découvrir que c'est un complot qui est organisé par la compagnie minière. Ceci dit, franchement, ça m'a pas véritablement inspiré. D'accord. Il y a sûrement d'autres... Ouais. Il faut dire aussi que Sean Connery a eu la chance de commencer sa carrière à une époque où effectivement il y avait encore du cinéma qui n'était pas complètement aux mains des Juifs. Et c'était encore une époque où dans le cinéma, si tu étais un homme et que tu voulais faire du cinéma, tu n'étais pas obligé de vendre ton cul. C'est-à-dire que tu n'avais pas tous les homos et les LGBT qui étaient au poste clé. À l'heure actuelle, si tu veux réussir aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, tu as intérêt à avoir de la vaseline. Ouais, c'est très très vrai. On le voit avec toute l'affaire de Trump, avec Hollywood, bon, qui est contrôlé par les juifs, je veux dire, mais tous leurs acteurs, je trouve, en fait, ils sont en plastique, leurs acteurs. Aujourd'hui, beaucoup de leurs acteurs sont en plastique. Ils n'ont pas cette authenticité qu'on trouve chez Sean Connery, qu'on trouve chez Clint Eastwood, qu'on trouvait chez John Wayne. Alors, je sais. Alors, là, on remonte un peu plus loin parce que John Wayne, ça fait quand même quelques années qu'il est mort. Bon, qui est évidemment le roi du western. Hein, bon, mais c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que John Wayne, dans les films noir et blanc, les premiers, même les premiers qu'il fait. Hein, il a un charisme incroyable, je veux dire, il occupe l'écran tout de suite, enfin, il se passe quelque chose, quoi. Et vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de jouer. Et ces mecs-là, c'était des gens authentiques, des gens sincères, qui avaient une vraie épaisseur humaine, qui n'avaient pas été malaxés par tout un système d'ingénierie sociale, de cooptation, de balisant. Il y avait bien sûr des histoires de coucherie et tout ça, mais il y avait de la place encore pour j'allais dire, pour de l'humanité. Là, je vois les acteurs, les types qui font le box-office, quoi, hein. Les types sont en plastique, ils ont des indignations calibrées, ils sont sur Twitter, ils sont tous anti-Trump, etc. Je dis pas que Trump, c'est quelqu'un qui est... On n'est pas obligé d'être pro-Trump. Mais même des acteurs qui ont du talent comme Johnny Depp, parce que Johnny Depp, il a du talent. Mais en fait, quand vous sortez de la caméra, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que les types sont à la ramasse. Ils sont complètement à côté de leurs chaussures. Un mec comme Sean Connery, il est aussi intéressant hors caméra que face à une caméra. Et il y a beaucoup d'acteurs qui font comme ça illusion devant une caméra. Parce qu'ils ont été ils ont du talent, je veux dire, au niveau du jeu. Ils ont été dans de bonnes écoles. Ils ont peut-être aussi un physique qui est agréable ou qui colle au style de cinéma qu'ils font. Mais dès que les types sortent du champ de la caméra, tout s'écroule, quoi. Un mec comme ça, c'est Brad Pitt, par exemple. Brad Pitt aussi est un très bon acteur. Ah, par contre, faut pas l'écouter parler quand la caméra tourne pas, quoi. Parce que là, vous allez vite tomber de votre chaise. C'est effrayant, le niveau est effrayant, c'est vraiment effrayant. Ben, c'était pas le cas avec des mecs comme John Wayne, ni avec des mecs comme Clint Eastwood ou Sean Connery, pour ne citer que, quoi. Ces mecs-là avaient une vraie profondeur intérieure, ils ont un sens de la poésie, on sent qu'il y a un sens de la poésie. En même temps, c'est des mecs, et ils sont entiers. Donc voilà, et là, combien il en reste comme ça? Ouais, j'ai cité Eastwood. Bon, après... Aux États-Unis, il n'y a plus que lui, ouais. Y a Mel Gibson, qui est pas mal. Mel Gibson, qui est pas mal, qui est entier aussi dans son genre, ouais. Qui fait un film, qui fait un cinéma assez entier aussi dans son genre, ouais. Dans le genre de mec que j'aime pas, pourtant très bon acteur, hein, DiCaprio, au tout début de sa carrière, était un excellent acteur. Il y avait un film qu'il avait fait qui s'appelle Basketball Diaries, qui est très peu connu. Un jeu d'acteur impressionnant. Bah, aujourd'hui, il fait la retape pour le réchauffement climatique, vous voyez. C'est pas... Mais ça se voit dans le physique, hein, que tu prends Brad Pitt, ou comment s'appelle celui qui fait Pirates des Caraïbes, là. Johnny Depp. Hein. Johnny Depp ou DiCaprio, ils ont des physiques de mineurs. Hein. Je veux dire, c'est. Ouais, c'est pas les mêmes. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis. Tu prends ces trois-là, tu mets en face John Wayne, Eastwood et justement celui dont on parle. Sean Connery. Et tu vois tout de suite le problème. Tu vois, le problème c'est le taux de testostérone. Ouais, c'est vrai. Non, ça c'est très vrai. Ouais, c'est très vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'avais encore des vrais mecs. Un truc intéressant, Sean Connery porte la moustache au naturel. C'est aujourd'hui, quand vous regardez les mecs, même sur les plateaux télé, hein, les mecs qui portent la moustache, c'est tous des PD. Ils ont des gueules de PD. C'est plus un marqueur de virilité, la moustache, ce qui est quand même fou quand on y pense, quoi. C'est un truc de PD. faut le faire. Bah oui. Mais de toute façon, c'est souvent très taillé, très recherché. Enfin, on voit bien que c'est pas du tout. C'est pas la moustache, quoi. C'est pas la stache, quoi. Et ça, ce taux de testostérone là, ça traduit quelque chose. Et je crois que c'est un peu tout, c'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on est en train de dire. C'est la baisse dramatique du taux de testostérone dans l'humanité blanche aujourd'hui, hein, et qui transparaît nécessairement dans les arts populaires comme le cinéma. Ça ne peut que rejaillir. Donc on peut pas avoir le même cinéma. Donc, qu'est-ce qui reste en France? Il y a Alain Delon, mais il a arrêté de faire des films, je veux dire. Puis bon, il en a pas fait que des bons d'ailleurs, Alain Delon, mais bon voilà, ouais, Alain Delon. Moi je vois pas tout de suite les noms qui me viennent, c'est tous des juifs. Donc parce qu'en France c'est plié. En France c'est plié, ouais. Non mais il y a plus de cinéma en France. C'est un cinéma qui est totalement subventionné, c'est une cata. Ouais, c'est un cinéma juif, et en plus, il est... il y avait des réalisateurs juifs en France, hein, je veux dire... Mais même là, ça s'est sérieusement cassé la gueule, vous voyez. Le samouraï, tout ça, ça a été fait, par des réalisateurs juifs, mais c'est... même ça, c'est liquidé, tu vois, je veux dire, c'est... Donc voilà, donc quand quelqu'un comme Sean Connery part... Vous savez ce que vous avez perdu, par contre, vous savez pas ce que vous allez gagner en échange, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein, Bon, après, je vais pas dire, non, il n'y aura plus jamais rien, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Enfin, bon, on sent quand même que la qualité se casse vraiment la gueule. Il y a des trucs qui peuvent être faits ici et là, qui sont pas inintéressants, mais bon, je trouve pas des forces pareilles, des forces équivalentes. Mais le système ne le permet plus de toute manière. En fait, une carrière cinématographique à l'heure actuelle ne permet plus d'avoir une carrière aussi longue que celle des Delon, des Sean Connery et autres. À l'heure actuelle, on va t'exploiter, mais alors à fond les manettes, surtout qu'attention, maintenant, quand tu fais un film, tu ne fais pas un film pour arriver à faire du pognon sur le film proprement dit. Tu fais du pognon sur tout ce qui est à côté. Parce qu'en réalité, tu fais un film pour quoi ? Tu fais un film pour vendre du pop-corn et du Coca-Cola dans les salles de Cinoche. Et quand tu fais des films du style de Star Wars, tu fais des films pour permettre à tous les magasins de jouets d'avoir les figurines, ouais, les jouets, les machins. Donc en réalité, des carrières comme ces gens ont eu l'occasion de la connaître, c'est définitivement terminé. Ouais, il y a encore, parce que là on est en train de réfléchir, on parlait du Covid et tout, on en parle assez peu, mais les cinémas ne sont en train de s'écrouler, parce qu'on ne peut plus y aller. Donc vous avez, regardez un mec là, comme Astier, là, il voulait sortir son film, là, Kaamelott. Bon, entre nous soit dit, Galad, joué par l'autre juif du Maroc, là, comment il s'appelle, cette espèce de créature indéfinissable, là. J'ai oublié son nom. Oh, il est partout. Bon, bref, peu importe. Bon, je ne veux pas préjuger de son film, je ne sais pas ce qu'il a. Non, mais il a été obligé de repousser sa sortie. Il y a Liam Neeson, là, qui a sorti un énième film d'action. Vous savez, il fait toujours le même film. C'est toujours le même film qu'il fait, Liam Neeson. Vous savez, c'est un homme qui cherche sa fille, vous savez. Il en a sorti un récemment. Mais en fait, ouais, c'est Tekken, mais voilà. Mais ça marche bien parce que Liam Neeson est toujours rendez-vous. C'est toujours, bon, ça, c'est le genre d'acteur qui est de. C'est une valeur assez sûre. Mais il a rien fait. Il a rien fait. Il a fait, je crois, 7 millions de dollars aux avis, ce qui est ridicule. C'est ridicule. C'est, les gens vont plus au cinéma, ils peuvent pas. On leur interdit d'y aller, on leur dit que c'est dangereux, donc les gens ils vont plus. Donc on peut même se poser la question s'ils vont même pas définitivement abolir le cinéma. On en arrive à ce degré de folie. Ouais, moi j'aime bien le cinéma. Je pense pas, parce qu'il y a les plateformes de streaming qui vont se substituer. Puis il y a trop de pognon à faire quand même. T'as tout à fait raison. On va basculer sur le streaming, mais c'est pas le même plaisir, tu vois. Non, mais même, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tout ce qui est dans les plateformes de streaming, c'est les productions qui sont faites, que ce soit Amazon Prime ou Netflix ou Disney, c'est ultra, ultra. Pas ultra standardisé, hein, ce qu'ils mettent. Hein, c'est... Ouais. Et puis bon, alors, c'est du turbo. Alors, au niveau de la propagande, c'est du turbo cosmopolite avec des. Des PD, des Gwyn, des machins toutes les couleurs. Transsexuels. Hein, ouais. Ouais, c'est, enfin, c'est ignoble. C'est terrible, souvent ils ont une stratégie. Ils font d'abord une saison 1 qui est pas trop. Pas trop marqué par l'idéologie. Puis dans la saison 2, alors là, ils se lâchent et tout. C'est terrible. J'avais vu une série là récemment qui était une série produite par des Britanniques. Et je dois reconnaître que les Britanniques font des bonnes séries. Ils sont vraiment bons. C'était justement sur l'histoire de la formation du Royaume d'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. J'ai oublié le nom d'ailleurs de ce truc. C'était vraiment bien fait. C'est pas sur Harry VIII, à partir d'Harry VIII. Non, c'est vraiment le haut Moyen-Âge, hein, où on a, où il y a l'affrontement entre les rois saxons, les vikings, les scandinaves et les bretons. Donc aujourd'hui les gallois, les cornouaillais. Donc il y a les celtes, les saxons et les scandinaves. Et le début de la série était très bien fait, puis au fur et à mesure de la série, la qualité commence à se casser la gueule et tout. Mais je veux dire que les deux, trois premiers épisodes sont vraiment très bien faits. Et donc, il y a quand même des bonnes surprises. Et si vous voulez, là, il n'y avait pas de diversité ou quoi que ce soit. Et c'était plutôt exceptionnel sur des plateformes comme Netflix. Ça, c'est Netflix qui avait produit ça, je crois. Ou HBO, j'ai oublié. Une des deux. Donc, ici ou là, il y a quand même des choses qui se font, mais... C'est vrai que c'est difficile à... Bon, là, on est dans la série, déjà. On est plus au cinéma à proprement parler, quoi. Et bon... C'est vrai que, comme vous avez dit, quoi... Les films qui sont conçus pour le cinéma, ils doivent faire aujourd'hui des hits. Hein. Quand je vois les chiffres qu'ils font avec des blockbusters comme... La marque Avengers, etc., ben c'est les chiffres qu'ils font, c'est incroyable, quoi. Marvel, ils font des chiffres de fou, hein, c'est incroyable. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur Chouette Connerie ou toute autre chose avant qu'on se sépare? Ouais, juste, pas sur Chouette Connerie, mais ouais. Parce qu'on évoquait un petit peu les acteurs qui restaient en bon, donc on a parlé de Clint Eastwood aux États-Unis, reste aussi Robert Redford, qui est quelqu'un de gauche, hein, ça se conçoit, mais avec une filmographie qui est quand même très fournie. Il y a film avec, je crois que c'était avec Paul Newman, L'Arnaque par exemple, ça date un petit peu, mais voilà. Ça peut être intéressant pour les jeunes qui veulent découvrir un petit peu ça avant que. Tout ça se disparaisse. Hein. Je pense que là, ces plateformes de streaming Netflix mettent des films anciens pour étoffer leur catalogue. Ça sera peut-être plus le cas d'ici une dizaine d'années. C'est pas faux. Alors, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.